En tout cas, là, c'est l'inconnu. En tout cas, ce qui est sûr pour nous, c'est que près de la frontière française, le temps est gris ce matin, avec même quelques petites bruines par endroits. Sur le centre et l'est du pays, c'est nuageux aussi, mais plus sec. La tendance pour aujourd'hui, eh bien, ça va s'assécher lentement, mais sûrement. On attend 21 à 22 degrés sur le centre du pays, 17 à 18 sur les hauteurs de l'Ardenne. Dès demain, les éclaircies s'élargissent, et pour la fin de la semaine, c'est promis, on reparle de conditions tout à fait estivales. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et donc toujours beaucoup d'émotions ce matin chez Caterpillar à Gosselies, beaucoup de questions aussi. Oui, les travailleurs tentent de comprendre pourquoi la direction a décidé de fermer l'usine. Des assemblées de personnel se tiennent tout au long de la journée, souvent pendant les pauses. On y revient dans un instant. Mais en attendant, le travail reprend, les lignes de production vont redémarrer. Les travailleurs vont sans doute décider de comment ils vont faire, mais ils vont certainement travailler, oui. Mais il faut aussi savoir que les travailleurs de Caterpillar, hier comme aujourd'hui, sont des gens responsables. Et faire attention à un équipement, à une machine, ça fait partie aussi d'eux-mêmes. Parce que c'est leur outil de travail, ils l'ont payé par leur travail de tous les jours depuis 50 ans. Donc, il est clair que la deuxième phase, c'est évident, que les machines qui vont sortir, ce sont un trésor de guerre. C'est évident. Alain Coffrier, ex-employé chez Caterpillar, qui y a travaillé 37 ans. Et une première assemblée générale vient de se terminer à Gosselies pour les ouvriers. D'autres rencontres sont prévues toute la journée, Catherine Tonnerreau. Oui, en fin de matinée, par exemple, pour le personnel employé. Et puis au moment des pauses de travail aussi, les syndicats vont expliquer aux travailleurs la stratégie qu'ils comptent mettre en place pour les 2200 emplois directement menacés par la fermeture de l'usine. Avec les emplois indirects, ce sont au total 6000 postes qui sont menacés. Le ministre-président wallon et bourgmestre de Charleroi l'a confirmé ce matin sur nos antennes. Paul Magnette, qui a aussi adressé ce message d'espoir aux travailleurs. Le site de Caterpillar sera repris, là encore, de l'avenir devant lui. On écoute Paul Magnette. Vous comprendrez qu'à ce stade, il faut rester très discret, mais il y a déjà eu des gens qui se sont manifestés dans les premières heures qui ont fermé, parce que ce site est un joyau technologique. C'est en plus, on a là un savoir-faire parmi les ouvriers qui est exceptionnel. Et donc, on refera quelque chose de ce site. Il faut tout faire pour ensuite récupérer tout ce qu'on peut récupérer de l'outillage, du savoir-faire des travailleurs et de tout ce qu'on peut conserver comme activité. En attendant, les syndicats ont promis des actions à venir, des actions à doser, hein, alors que la procédure Renault va seulement commencer, cette procédure de licenciement collectif qui va s'organiser en deux phases, celle d'information et celle de consultation. Merci Catherine Tonnerreau avec Bertrand N. Et puis l'autre mauvaise nouvelle pour l'économie, à Bruxelles, cette fois, il y aura moins d'emplois créés que ce qui avait été annoncé au nouveau centre commercial, le fameux Docks Brussels. Oui, ce centre commercial doit être inauguré dans un mois et demi, il est situé au pied du pont Van Prat, le long du canal. Au départ, on parlait de 1200 nouveaux emplois. Finalement, ce sera moins, même si 1200 personnes travailleront bien sur place. Alors, où est la différence? Hélène Maquet nous explique tout cela. Le 20 octobre, les vendeurs, responsables de magasins, les serveurs, prendront leur service dans les allées du centre commercial. Ils seront 1200. Et c'est Actiris, l'Office régional de l'emploi, qui est en train de les recruter pour le compte des magasins qui s'installent chez Docks. Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris. On avait signé une convention de collaboration avec Docks en tant que telle, par laquelle Docks s'engageait à convaincre ces lignes de magasins de nous fournir 100% des offres. 100%, c'était donc l'espoir de 1200 emplois créés. Aujourd'hui, le contexte a changé. Malheureusement, suite aux attentats et aux difficultés que connaît le commerce à Bruxelles, une série de lignes de magasins ont décidé de procéder à des réaffectations. Comme ils ont moins de volume dans leurs magasins actuels, ils ont décidé de staffer leur futur magasin dans Docks Bruxelles avec le personnel actuel, ce qui est déjà positif pour l'emploi. Ça diminue le nombre d'emplois qui seront détruits. Mais donc, on a moins d'offres de postes de travail qu'espérait avant les attentats. Entre 500 et 600 emplois, c'est donc presque moitié moins qu'espéré, mais pour Grégor Chapelle, ça reste une bonne nouvelle. Dans le contexte difficile, notre analyse c'est que Docks reste une opération positive pour l'emploi à Bruxelles. Et tous ces emplois ne sont d'ailleurs pas encore pourvus. Et à noter qu'un Select Day, une journée de recrutement, aura lieu le 20 septembre prochain. À Calais en France, opération coup de poing ce matin. Oui, les habitants en ont marre, ils veulent une fermeture rapide de la jungle. La jungle, c'est cet immense camp, ce bidonville où vivent près de 7000 réfugiés. Depuis tôt ce matin, des dizaines de tracteurs et de camions mènent une opération escargot. Et dans quelques minutes, c'est une chaîne humaine avec des commerçants de la ville qui va se former. À Calais, on va retrouver Baptiste Dupin. Baptiste, vous avez suivi depuis ce matin ce mouvement de contestation. Oui, effectivement, les Calaisiens s'unissent pour mettre la pression sur les autorités françaises. La cohabitation avec la jungle est compliquée. Il y a de plus en plus de monde dans cette jungle, des personnes qui rêvent de traverser la Manche, rejoindre le Royaume-Uni. Alors régulièrement, ces migrants tentent le tout pour le tout. La nuit, créer des ralentissements sur l'autoroute en déposant des objets sur la voirie, espérer ensuite pouvoir monter dans un camion et rejoindre le port clandestinement. Conséquence, Baptiste, de sécurité, des problèmes économiques, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, allez-y. Oui, des problèmes économiques également que dénoncent les transporteurs routiers ce matin. Mais l'action d'aujourd'hui n'est pas une action anti-migrants, explique Sébastien. La semaine dernière, j'étais avec un transporteur qui me disait que son conducteur s'était fait immobiliser, comme je vous disais, des dizaines de migrants qui étaient dans sa SMI. Là, pour faire descendre les migrants, il a vu descendre une maman avec son bébé. On n'est pas inhumain, si vous voulez, on comprend totalement cette détresse également. Le problème, c'est qu'on ne peut supporter. Voilà, Nathalie, aujourd'hui, les Calaisiens structurels, voilà pourquoi il y a cette action. Sécuriser les accès au port, démanteler la jungle, mais il faut trouver également une issue qui tienne compte du sort des migrants. Ai-je beaucoup entendu ce matin ? Merci Baptiste Dupin, malgré quelques petits soucis techniques, Baptiste Dupin avec l'aide de Nicolas Van de Wever. Les manifestants qui rappellent donc qu'il ne s'agit pas d'une opération anti-migrants, mais plutôt d'une action de protestation contre les autorités politiques, dont l'auront bien compris. La Turquie affirme que sa frontière avec la Syrie est à présent sécurisée. L'armée turque et les rebelles syriens ont réussi à chasser le groupe terroriste État islamique de la région. 91 km de frontière, un point de passage qui se ferme donc pour les recrues et l'approvisionnement de l'organisation terroriste. Et chez nous, nouveau procès à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour Khalid Zerkani, un des plus grands recruteurs de djihadistes. Il avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour avoir recruté, envoyé des jeunes en Syrie. Ce nouveau procès concerne une autre filière de recrutement, filière à laquelle appartenait également Najim El-Achraoui, un des kamikazes des attentats de Bruxelles. Enfin, en football, les Diables Rouges sont arrivés à Chypre hier soir. Ils disputeront demain leur premier match qualificatif pour le Mondial 2018. Différents changements devraient être effectués par rapport au match contre l'Espagne. Jan Vertonghen remplacerait Jordan Lukaku à gauche en défense. Thomas Vermaelen reprendrait sa place dans l'axe. Et en pointe, Romelu Lukaku remplacerait Divock Origi. On fait un point RTBF Mobile Info avec Stéphane Piedbeuf. Un accident sur le 400 Namur-Bruxelles à hauteur de Jésuseik. La voie centrale est encombrée en direction de la capitale. Et donc, vous ajoutez 20 minutes à votre temps de parcours en venant de Namur sur le 411 à partir d'Overace. Globalement, vous ralentissez et vous perdez une vingtaine de minutes sur la plupart des axes qui convergent vers Bruxelles, à l'exception de l'E19 qui vient de Mons et l'E429 qui vient de Tournai, où là, la circulation est fluide. Sur le ring de la capitale, vous perdez 20 minutes en circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard. Un quart d'heure pour la circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Et dans Bruxelles, des ralentissements du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur vers la Basilique, dans le tunnel Léopold II en direction du Midi et dans le tunnel Reyers vers le centre. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h08, tout de suite, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Le week-end est terminé. Ceux de l'UNIF ne sont pas encore retournés, mais les secondaires y sont. Bref, on est bel et bien dans ce moment de rentrée. Vous commentez l'actu dans une seconde. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment, chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, travailler, débrayer, tout casser, et maintenant, quelle est l'attitude que doivent avoir les travailleurs de Caterpillar ? Trois jours après l'annonce de fermeture pure et simple, les travailleurs se réunissent donc aujourd'hui en Assemblée Générale pour penser la suite. Tout au long du week-end, les syndicats ont lancé l'appel au calme et au travail, sans doute parce que la phase d'atterrissage, comprenez les négociations, sera longue. Il semble que Caterpillar envisage le travail jusqu'en 2017. On peut quand même douter de la pleine production et productivité d'ici là. On dit que vendredi, les travailleurs ont déchargé des machines des camions pour les mettre à l'abri et que les travailleurs ont constitué un trésor de guerre. On dit que l'usine continuera à produire, mais que plus rien ne sortira de là. C'est le trésor de guerre. Chris Peters, le ministre de l'Emploi qui, à l'époque, avait connu la fin de Ford à Geng, estime par ailleurs qu'il ne faut pas ouvrir un débat sur les multinationales. À vous de vous prononcer donc. La question pour vous ce matin. Travailler, débrayer, tout casser. Et maintenant, quelle est l'attitude que doivent avoir les travailleurs de Caterpillar ? Les frères Dardenne voulaient faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique, mais ils renonceraient. C'est de la lâcheté ou c'est du bon sens ? On le sait, le terrorisme est au cœur de toutes nos préoccupations. Une large place évidemment dans l'actualité, mais aussi une large place dans la fiction. En août dernier, au Festival du film de Lima, les frères avaient donc annoncé leur intention, un nouveau projet. Luc Dardenne avait dit, je cite, « vouloir aborder un personnage fanatique en rapport avec le terrorisme islamiste ». Fin de citation. Le thème est sensible, mais les frères Dardenne, on le sait, ont l'expérience des thèmes sensibles. Pourtant, ils ont renoncé. Sur Twitter, on lit ceci, « suite à l'amplification sur les médias sociaux de l'information selon laquelle ils seraient en train de préparer un film sur le terrorisme, les frères tiennent à dire que ce film n'est pas à l'ordre du jour. » Fin de citation. Alors c'est la question pour vous ce matin. Les frères Dardenne voulaient faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique, mais ils renonceraient. Est-ce que c'est de la lâcheté ou du bon sens ? Et puis au 070-233-466, c'est pas encore officiel mais quasi, demain le montant des allocations familiales en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160 euros par mois par enfant. Vous êtes content ou pas content ? Le week-end a donc été très instructif sur les allocations familiales gérées désormais par la Wallonie, puisque le vice-président Maxime Prévost a donné toute une série de confirmations. On sait donc que le montant oscillera entre 120 et 160 euros par mois. Il ne faut pas attendre que les allocations familiales règlent les problèmes d'égalité sociale, a-t-il déclaré. Il faut moderniser le modèle, faire en sorte que le premier enfant ait un montant plus important sur lequel s'aligneront ensuite les autres enfants. On n'est plus dans le régime d'après-guerre où il fallait inciter à repeupler, raison pour laquelle on donnait plus d'argent quand on avait 3, 4, 5 enfants plutôt qu'un seul ou deux. Alors dans les enseignements ce week-end, on sait donc que oui, les prestations seront moins élevées qu'en Flandre. Oui, la Flandre a adopté et opté pour 160 euros, mais la réalité sociologique en Wallonie est différente. Oui, deux systèmes vont cohabiter jusqu'en 2019. Et non, l'allocation ne sera pas liée aux revenus comme le souhaite le PS. C'est la question pour vous ce matin. C'est pas encore officiel, mais quasi. Demain, le montant des allocations familiales en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160 euros par mois, par enfant. Vous êtes content, pas content? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, non, c'est vous qui le dites. Les suites de la fermeture de Caterpillar, les frères Dardenne qui abandonnent leur éventuel film sur le terrorisme et le montant des allocations familiales. Les premiers débatteurs à donner leur avis ce matin sont en train de s'installer en studio. Il s'agit de Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et Karim Fadoul, journaliste à la rédaction RTBF. Nawal Karim, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, c'est quelle attitude ? Et maintenant, quelle attitude faut-il avoir quand on est ouvrier de Caterpillar et qu'on sait depuis vendredi qu'un licenciement est en vue ? Travailler, débrayer, tout casser. Est-ce que vous avez été surpris, Karim, par l'appel des syndicats ce week-end, alors qu'on s'attendait, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, à un peu de tension ? Est-ce que l'appel au calme et au travail vous a surpris ? C'est assez inhabituel, dans le fond. C'est assez inhabituel, parce qu'on a souvent eu affaire à des situations beaucoup plus tendues, avec beaucoup d'énervement. Enfin, d'abord, une émotion très forte, et ensuite, je dirais, une violence qui peut être matérielle, et puis une violence physique. Ça arrive aussi. S'il y a un appel au calme, ceci étant, on se rend bien compte que l'idée de vouloir constituer un trésor de guerre est peut-être un peu risquée, sachant que, vous le savez très bien, il y a des procédures à respecter, il y a des lois à respecter, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il faudrait éviter que les travailleurs de Caterpillar subissent une double peine. Première peine, qui est celle du licenciement, la deuxième peine, c'est celle de devoir être traduit devant des tribunaux pour devoir justifier le fait d'avoir peut-être cassé l'outil, constitué un trésor de guerre. Donc ça, il faut, à mon sens, éviter. Ah bah sur ce point-là. Ce serait très mauvais en termes d'image et très mauvais pour l'avenir de ces travailleurs. Réflexion, parce qu'on dit donc que des machines ont été mises de côté vendredi, et alors on dit que les travailleurs vont effectivement continuer à travailler, ils vont travailler, produire, mais tout ce qui sera produit ne sortira pas de l'usine. Ça fait aussi partie du trésor de guerre. C'est un bon plan ça, Nawal ? Mais je ne vois pas très bien comment est-ce qu'ils vont parvenir à ne pas faire sortir les outils de l'usine. Enfin, c'est pas eux qui, à un moment, décident de tout. Les patrons pourront très bien faire en sorte que ça sorte. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu inutile. Maintenant, le fait qu'ils restent dignes comme ça depuis vendredi, j'applaudis et je trouve que c'est la meilleure solution finalement de continuer à travailler, parce que comme les syndicats l'ont encore dit ce matin, si jamais ils ne vont pas travailler, ils vont effectivement être pénalisés parce qu'ils vont perdre des sous au bout de certains jours. Il y a un choix, hein. Travailler, débrayer ou tout casser. Prenons débrayer, donc faire la grève autrement dit. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire à ces Américains, nous ne sommes pas contents, on ne se laissera pas faire. Et ensuite, on ne se laissera pas faire, mais la décision a été prise, hein, je vous le rappelle quand même. La seule solution... Donc il n'y a aucun espoir de marche arrière pour vous. On entend depuis 3-4 jours les incantations des responsables politiques qui nous disent qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour redévelopper le site, trouver de nouveaux partenaires qui occuperont l'endroit. On verra avec les sous-traitants s'il n'y a pas moyen de recaser des personnes avec les acteurs économiques de la région. Et je pense véritablement qu'à ce niveau-ci, c'est maintenant qu'on va juger de la capacité des responsables politiques à prendre leurs responsabilités, les responsabilités qu'on a mises entre leurs mains. C'est-à-dire que très souvent, ils sont là pour nous dire qu'il faut du développement économique, etc. Mais on les voit que face à une situation comme celle-là, à savoir une multinationale qui décide de fermer un site et de mettre autant de gens à la porte, là, on sent bien qu'ils sont incapables de pouvoir gérer la situation. Alors certes, ce n'est pas eux qui engagent, ce n'est pas eux qui créent des entreprises, mais c'est eux qui ont des contacts, il faut le rappeler. Ils rencontrent régulièrement les acteurs économiques. Les acteurs économiques importants, à eux maintenant de nous montrer qu'ils sont capables de, entre guillemets, recaser ces 2200 personnes. J'en ajoute un alors, Nawal. Est-ce que les travailleurs doivent travailler, débrayer, tout casser ou faire confiance au monde politique ? Chris Peters a dit, j'ai l'expérience, moi, avec Ford Genk, Paul peut m'appeler, il le dit partout dans la presse, je l'aiderai. Donc est-ce que ça peut être un choix pour les travailleurs, faire confiance au monde politique ? Mais je dirais qu'il ne leur reste plus que cela, finalement. J'entendais Paul Magnette qui expliquait qu'apparemment, des petits patrons d'entreprise lui ont téléphoné tout le week-end et qu'il va retrouver des places pour certaines personnes. Donc il ne reste que ça, c'est le seul espoir que voulez-vous que ces travailleurs fassent d'autre à part faire confiance aux politiques, même si au final, peut-être qu'ils seront déçus, à mon avis. On demande un avis à Farcienne. Mario est en ligne, bonjour. Travailler, débrayer, tout casser. Quelle est l'attitude que doivent avoir les travailleurs de Caterpillar ? Pour moi, ils doivent continuer à travailler parce qu'ils ont un contrat de travail où ils doivent produire et ils sont payés en échange. S'ils arrêtent de produire ou s'ils arrêtent de bloquer la marchandise, ben, le patron, il est en guise aussi d'arrêter de payer puisque ça fait partie de la règle du jeu, quoi. Oh, mais quelle énergie ça sollicitera chez le travailleur ? Qui sait qu'en 2017, c'est fini, tout va à Grenoble ou ailleurs dans le monde ? Est-ce que physiquement, mentalement, le travailleur de Caterpillar est encore capable de produire avec la même productivité jusqu'en 2017 ? Non, certainement que... Il a certainement difficile personnellement, mais je veux dire, il ne vit pas un cas isolé. Il y a des milliers de gens tous les jours, pas tous les jours, mais qui perdent leur emploi et qui doivent continuer à prester leur préavis et tout simplement sans pour autant en faire une grande affaire sociale. Quoi. Sur le message donné à ces grandes multinationales, sur le message de nos Américains de Caterpillar, si les Carolo continuent à travailler, c'est pas dire, on accepte, on est résigné et on bossera jusqu'au bout, c'est pas accepter son sort et donner raison à Caterpillar ? Ben, vous êtes obligé d'accepter. Vous êtes quand même obligé d'accepter la décision d'une entreprise qui elle, a investi de l'argent et qui estime qu'elle n'en gagne plus ou qu'elle n'en gagne plus assez et d'aller voir ailleurs, comme tout le monde a le droit de changer de banque ou tout le monde a le droit de changer de supérette quand c'est plus cher ou moins cher. Je pense que c'est une règle normale, quoi. Alors vous me dites à chaque fois oui ou non que les choses soient claires. Est-ce que le choix c'est travailler, oui ou non ? Ah oui, bien sûr. Travailler, okay. Continuer à travailler. Débrayer, donc faire la grève ?

à l'ordre du jour. C'est de la lâcheté ou du bon sens? Avant de répondre à ça, Nawal, est-ce que ça aurait pu être un éclairage intéressant, le regard des frères Dardenne sur tout ce climat terroriste, djihadiste, fanatique? En tout cas, je pense que ce film aurait été vu, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ça aurait été intéressant? Est-ce que ça aurait apporté un élément neuf? Je n'en suis pas sûre, mais ça aurait été un succès, je n'en doute pas. Est-ce qu'on a besoin de ça, de la fiction liée au terrorisme et au fanatisme? Il y a plein de films qui sortent sur les moments terroristes. Celui des frères Dardenne aurait été un film supplémentaire. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de ça? Enfin, vous le dites, hein, c'est pas le premier, c'est pas un champ qui est inexploité, il a déjà été exploité. Je rappelle qu'il y a eu Timbuktu, je rappelle qu'il y a eu Bastille, le film a été repoussé, la sortie a été repoussée après les attentats de Nice, mais c'était aussi une sorte de blockbuster à la française. Donc il faut pas s'attendre avec les frères Dardenne à avoir des explosions, des machins, des scènes d'action, etc. C'est pas du tout ça. Eux, c'est une exploration de la nature humaine. Ah, ils voulaient un personnage fanatique, c'est ça qui peut les intéresser. Après, enfin, vous avez bien entendu la déclaration, c'est on aimerait faire, c'est pas on va faire. Ah, au début, il a dit on va faire. On aimerait faire. Vous le savez très bien qu'entre le moment de l'idée, le moment de l'écriture du scénario, le moment de la production, du casting, du tournage, de la sortie du film, il se passe quand même un long moment. Alors, peut-être qu'il y a une marche arrière, mais je ne pense pas que ce soit de la lâcheté et je ne pense pas que ce soit du bon sens à l'inverse. C'est simplement un projet qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'il est suffisamment mûr en matière d'idées? Ça, on le verra, l'avenir nous le dira, mais je ne les vois pas reculer face à ce genre de d'initiative. Est-ce qu'il y a la matière? Parce que ces djihadistes qui partent et qui reviennent, on les connaît sans les connaître. Est-ce que ces personnages-là ont quelque chose de l'ordre du film, du roman, du récit, tous ces djihadistes qui partent et qui reviennent? Est-ce que c'est des bons personnages, Nawal? Oui, j'en suis certaine. Bah, il suffit de voir, par exemple, la pièce de théâtre Djihad qui a cartonné véritablement. Il y avait de la matière, ça a été diffusé dans toutes les écoles. Je pense que les frères Dardenne n'auraient pas non plus fait n'importe quoi à ce sujet. Donc je pense que oui, il y avait et de la matière et ils auraient pu rendre cela intéressant. C'est osé, trop osé d'aller faire un film sur ces matières-là. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'apaisement, y compris dans la fiction qui arrive? Parce que dès qu'il y a une thématique à un moment donné qui est dans l'air du temps, je veux dire, les cinéastes, les réalisateurs s'en emparent. Je veux dire, souvenez-vous, dans les années 60-70, on vous évoquait un film sur le sida, et puis on a commencé, fin des années 80, début des années 90, à aborder ces thématiques-là. Et aujourd'hui, on en parle, je dirais, de manière régulière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, selon moi. Je pense que ce qui serait intéressant, mais c'est peut-être ça que les cinéastes ne veulent pas exploiter, c'est l'aspect biopic. C'est vrai que depuis 15 ans, on va bientôt fêter les 15 ans, c'est fêter, mauvais jeu de mots, mais bientôt, il va y avoir l'anniversaire des 15 ans du 11 septembre. Je suis surpris qu'il n'ait pas encore eu un biopic sur Ben Laden. Alors très certainement parce que qui dit biopic dit personnage central, dit anti-héros qui risque de devenir un héros. Et ça, c'est très délicat, parce qu'on sait très bien qu'il ne faut pas faire d'un personnage qui a les mains attachées de sang, d'en faire un héros, une forme d'exemple pour des spectateurs ou des personnes qui seraient mal intentionnées. Je pense qu'un biopic qui serait aussi intéressant, ce serait un biopic sur Abdelhamid Abaoud. Je pense que ce serait intéressant de voir comment cette personne... Ah mais il y a des noms, il y a Salah Abdeslam, il y a Abdelhamid, oui. Évolue jusqu'à commettre l'un des attentats les plus meurtriers en France. Mais là, c'est plus risqué, parce que vous risquez d'en faire des héros. Vous n'avez pas tranché, Nawal. C'est de la lâcheté ou du bon sens de renoncer à faire un film, qu'on soit un frère Dardenne ou pas? C'est de la lâcheté ou du bon sens de renoncer à un film sur le terrorisme? Mais c'est ni l'un ni l'autre. J'ignore la raison pour laquelle ils ont renoncé, mais je pense qu'à un moment... Ils n'ont peut-être pas renoncé. Oui, hein, voilà, mais je pense qu'à un moment, peut-être que justement, l'idée va leur être piquée. Je pense à quelqu'un comme Joachim Lafosse, par exemple, qui a fait un film sur l'affaire Lhermitte, qui a été très critiqué et qui, lui, est allé jusqu'au bout de son projet. Et je ne serais pas étonnée de voir que d'ici quelques semaines, M. Lafosse propose un projet similaire et aille jusqu'au bout. On va se connecter au 070-233-466. Marion, les frères Dardenne voulaient donc faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique, mais ils renonceraient. C'est de la lâcheté ou du bon sens à ce propos? Bien, à ce propos, cet avis de Régine de Ramilly qui arrivait au travail et donc qui ne peut pas s'exprimer à l'antenne, eh bien, elle trouve que c'est de la lâcheté. Les frères Dardenne choisissent la facilité en renonçant à ce projet de film. Ils ont plus facile à montrer la triste réalité de la pauvreté et des chômeurs belges que de montrer la réalité des fanatiques terroristes qui existent aussi chez nous en Belgique. Alors, Régine est très déçue de la réaction des frères Dardenne. Elle pensait qu'ils étaient des cinéastes engagés. Au final, ce ne sont que des poules mouillées. C'est l'avis de Régine de Ramilly. Venez nous le dire de vive voix. Ce sera plus facile. On termine rapidement autour de la table avec Nawal

en enseignement et en affirmation de Maxime Prévost. Alors commentons tous les éléments un à un. Ce sera entre 120 et 160 euros. Mais on a bien compris, Karim, que ce ne serait pas 160, puisqu'on a bien dit que ce serait bien plus bas que la les Flandre. Les Flamands qui ont déjà fixé le montant à 160 euros, qui est dégressif par la suite. On peut avoir des suppléments en fonction de l'assiduité des enfants à l'école, etc. etc. Donc un petit Flamand n'égale pas un petit Wallon. Ça a été le... On le savait, hein, je veux dire, quand il y a eu la réforme de la terre, on savait très bien qu'à un moment donné, certaines communautés allaient être capable ou pas de pouvoir donner des montants. Alors, identique à ce qu'on donne aujourd'hui, c'était possible pour le premier et le deuxième enfant. Pour le suivant, c'était compliqué. Donc, il fallait trouver, je dirais, une base stable pour l'ensemble des enfants d'un ménage. On se rend bien compte ici que les moyens de la Wallonie sont moins importants. Donc, C'est pas la même réalité sociologique, c'est les mots choisis. Entre 120 et donc 150, il faut réadapter, parce que 160, on n'y arrivera pas. Vous êtes contente, pas contente avec ce montant-là, Nawal ? Mais ce qui me satisfait, c'est que finalement, on n'adapte pas ce montant-là au revenu, parce que là, je n'aurais pas été d'accord. C'était l'idée du PS. Oui, là, j'étais absolument contre. Maintenant qu'un enfant en Wallonie vaut moins qu'un enfant en Flandre, malheureusement, ce n'est pas la première fois. C'est pareil pour l'école. En Flandre, on ne paye pas les fournitures scolaires. En Wallonie, on les paye. Ça a toujours été comme ça. Au niveau flamand, on gère mieux qu'en Wallonie. C'est pas neuf. Est-ce qu'on se dirige pas, Karim, vers un brol ? Donc, à partir de 2019, il y a ceux qui auront le nouveau système, un montant entre 120 et 160 pour tout le monde, et puis ceux qui seront encore dans le vieux système. Les deux systèmes vont cohabiter. Maxime Prévost l'a dit, c'est le moyen le plus respectueux de la situation actuelle des gens. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un brol ? Alors, on se dirige vers un brol et une forme d'incompréhension. D'abord parce que, prenez une famille nombreuse, une famille qui a au-delà de 3, qui a 4 enfants. Le système actuel est quand même bien plus avantageux que ce que propose la Wallonie, voire même que ce que propose la Flandre. Bruxelles, on ne sait pas encore ce qu'on va nous donner à Bruxelles. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est que n'oubliez pas que des ménages vont peut-être aussi réfléchir à cet impératif-là, ce paramètre-là, quand il va falloir penser à, je sais pas moi, un déménagement. Vous savez très bien qu'il y a des familles, on fera du tourisme. On grandit à Bruxelles et puis on déménage en Brabant-Wallon, en Brabant-Flamand, dans la périphérie proche. Et ben tout ça va aussi compter. Vous pensez bien que pour un ménage, ce sont des euros, ce sont quelques euros, mais qui sont importants dans le budget. Donc aujourd'hui, on va avoir affaire à un système qui va être inégal, hein, entre les trois régions du pays, et ça va jouer sur toute une série d'autres choses derrière. Pensez que c'est jouable, Nawal, qu'on fasse du shopping d'allocations familiales, que certains se déplacent. On le fait déjà, notamment pour les droits d'enregistrement et choses comme ça. Oui. Ça existe. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à choisir, comme dit Karim, entre le Brabant flamand et le Brabant wallon, ben certains vont se dire pourquoi aller en Brabant wallon alors que les maisons coûtent plus cher, alors que les fournitures d'école encore coûtent plus cher, les allocations sont moins nombreuses. Donc oui, ça peut effectivement jouer et on peut voir beaucoup plus de wallons aller vers la Flandre. Oui, tout à fait. Un avis en Wallonie pour l'instant, un bel œil. Denis, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Je sais que vous avez une fille de 14 ans, donc ce n'est pas encore officiel, mais quasi. Demain, le montant des allocations familiales en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160 euros par mois par enfant. Vous êtes content ou pas content ? Non, je ne suis pas content. Et a fortiori, il sera plus près de 120 que de 160 avec ce qui a été annoncé par M. Prévost. Ah, vous pensez qu'on nous prépare psychologiquement à ça ? C'est ça que ça veut dire ? On ne s'alignera pas sur la Flandre ? Tout à fait. Hein. On sera peut-être à 120, 125, mais on ne sera certainement pas 145, ni même 150. Hein. Mais pour l'instant, vous avez combien pour votre fille ? Pour l'instant, j'ai 106 euros par mois. Ah bah 120, c'est plus ? Oui, 14 euros en plus, oui. Mais bon, si vous faites la différence, moi je vais reprendre ce que le PS disait à la région Wallonne. Quand ils ont attaqué le fédéral avec l'augmentation de l'électricité, 200 euros en plus par mois par ménage, un scandale. Ici, faites un peu. Un couple qui a deux enfants va perdre, par rapport à un couple flamand, 960 euros par an. Est-ce que vous auriez aimé, vous, qu'on lie ça au revenu ? Parce que le CEDH a dit non, non, non, non. Et le PS, Là, je dis félicitations au CEDH, parce que encore une fois, ce serait honteux, encore une fois, de lier ça au revenu. Ce serait encore une fois casser la classe moyenne. Les gens qui se lèvent tous les jours pour aller travailler, l'homme, la femme se lèvent pour aller travailler, et ils auraient moins droit pour leur enfant que quelqu'un qui, excusez-moi, profite du système. Denis, il y a juste un truc, c'est qu'a priori, vous allez rester avec votre vieux système, et les autres auront le nouveau système. Ça vous va? Ça, on verra. On verra. Ah ben, dès 2019, on se rappellera alors, puisque vous serez dans l'ancien système. Denis, je termine rapidement autour de la table, et puis on en reste là, que les positions soient claires. Est-ce que vous auriez voulu lier ça au revenu, oui ou non, Nawal? Non, absolument pas. Ça, c'est clair. Karim? Ça dépend quel type de revenu. Si dans la catégorie basse, qui peut recevoir plus, vous mettez aussi toute la classe moyenne, je dis oui. Mais on s'arrête où alors? C'est ça qui est compliqué. C'est la question. Faudrait un plafond. Mais il est évident que quelqu'un qui a un ménage qui a un bon niveau de revenu, un excellent niveau de revenu, les allocations familiales, ça ne change à la base rien dans le budget. Donc que vous enlevez des allocations, que vous ayez moins d'allocations, ça ne change rien. Par contre, ça change beaucoup pour les petits revenus et pour la classe moyenne. Un dernier pari, on sera entre 120 et 160. On sera à combien, à votre avis, Nawal? 135 maximum. 135 maximum, dit-elle. Et vous? Ouais, à mon avis, dans ces zones-là, plus proche de 120, à mon avis, que 160. Bon, bah alors entre 120 et 135 officieusement, mais entre 120 et 160 officiellement. Nawal Ben Salem, Karim Fadoul, bonne journée tous les deux. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Donc, travailler, débrayer, tout casser, et maintenant, quelle est l'attitude que doivent avoir les travailleurs de Caterpillar? C'est le premier débat de ce matin. Ensuite, les frères Dardenne voulaient faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique, mais ils renonceraient. C'est de la lâcheté ou c'est du bon sens? Et puis, c'est pas encore officiel, mais quasi. Demain, le montant des allocations familiales en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160 euros par mois par enfant. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? 070 233 466 par SMS au 3063. Nous allons à Spa. Domenico, bonjour. Bonjour. Quelle est l'attitude que doivent avoir les gars de Caterpillar? Travailler, débrayer, tout casser? Eh bien, il faut, à mon avis, débrayer de façon intelligente, en incluant les hommes politiques, y compris au niveau du fédéral, et nos syndicats, y compris au niveau de l'Europe, pour donner une frappe mesurée, mais qu'on arrête de prendre les Wallons pour des gréviculteurs parce qu'ils arrêtent, parce qu'on ferme leurs usines. Donc, si j'ai bien compris, vous demandez au gouvernement Wallon de couvrir les grèves et d'encourager les grèves. D'encourager les grèves et de frapper Caterpillar d'une façon stratégique et ciblée où ça leur fait mal, c'est-à-dire au niveau financier. Ils ont obtenu des aides, ils ont obtenu plein d'avantages, ils n'ont pas payé d'impôts et ils s'en vont comme s'ils n'avaient jamais rien fait, comme s'ils n'avaient pas profité. Il y a un problème, Domenico, c'est que ce week-end, les syndicats, ils ont dit tout l'inverse de vous. Ce week-end, les syndicats, ils ont appelé au calme et vous, vous appelez à la grève. Ils se trompent de stratégie? Moi, j'appelle au calme en préparant une grève couverte par les politiques et bien organisée. Nous avons également des syndicats au niveau de l'Europe. Il faut réagir. Cette mondialisation, nous la vivons depuis plus de 20 ans. Finir dignement. Finir dignement. Karim et Nawal ont dit ça. En ne faisant pas grève et en travaillant jusqu'au dernier jour, ils finiront dignement. Comme ça, ils sortiront les produits de leurs usines et ils s'en iront avec plus d'argent sans être punis par leur aptitude. Bon, c'est la grève que vous voulez, alors il y a un sucré salé là-dedans. J'appelle au calme, mais à la grève. Domenico, vous avez fait ce choix entre travailler, débrayer, tout casser. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane sur les routes. Quelques ralentissements aux portes de Bruxelles ce matin. Benjamin, on ajoute encore une dizaine de minutes sur l'E411 qui vient de Namur entre Overijse et Delta. Même temps de parcours ajouté sur l'E40 qui vient de Gand entre Alost et Affligem. Un quart d'heure via l'E19 en venant d'Anvers où vous ralentissez entre Rumst et Macquelen sur le ring. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. 18 minutes supplémentaires entre Ittre et le carrefour Léonard en circulation extérieure. Pour la circulation intérieure du ring de la capitale, vous êtes encore ralenti de Grand Bigard entre Grand Bigard et Zelik et entre Strandbeek-Bever et Grimbergen vers Zaventem, ainsi que dans Bruxelles du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur vers la Basilique, dans le tunnel Léopold II vers le Midi et dans le tunnel Rayert vers le centre. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant à Serein, c'est Gaëtan, 22 ans, qui viendra nous dire s'il est content avec, en Wallonie, une allocation familiale entre 120 et 160 euros. Mais pas 160. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs ne le comprennent toujours pas. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Maman, c'est quoi un putsch ? Eh bien, c'est un coup d'État. Tu vois, c'est un coup qui te putsch. C'est de l'anglais. To push, I putsch, you putsch. Hein, comme dans la chanson, quoi. Allez, putsch de là, tu vois ? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Et au 0 70 233 466, sur la table, Marion, les frères Dardenne voulaient faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique, mais ils renonceraient. Lâcheté ou bon sens à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Jules de Dizon, ce n'est pas de la lâcheté, c'est plus compliqué que ça. Jules pense que c'est une question de faisabilité. Il faut trouver des acteurs de type maghrébin qui accepteraient de jouer dans un tel film, mais ça, c'est pas gagné. Jules doute que des acteurs belges soient d'accord pour associer leur visage à celui de Salah Abdeslam ou de Abdelhamid Abaoud, par exemple. Jules, lui, il fait du théâtre et il ne se voit pas jouer un tel rôle. C'est le genre de film qui colle à la vie et dont l'acteur ne pourra jamais se séparer. 0 70 233 466 et par SMS au 3063. Entrez dans la conversation maintenant. Serein, Gaëtan, bonjour. Bonjour. Le week-end a été très riche en enseignements sur les allocations familiales. Vous avez 22 ans, vous êtes à l'université, votre avis? Demain, le montant des allocations en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160. Vous êtes content ou pas content? Ça fait des années que ma mère se débrouille seule à m'élever avec 125 euros, donc je ne vois pas pourquoi 160 serait catastrophique. Mais si c'est 120? Même si c'est 120, si elle se débrouille avec 125 alors que je suis à l'université, je fais tout ce que je peux pour travailler, pour m'acheter tout ce dont j'ai besoin en plus, donc en dehors de l'alimentation et du logement. Pour l'aider, je travaille tout ce que je peux, donc les besoins de base, c'est largement suffisant avec 125 euros. Elle travaille dur, mais... Vous faites quoi comme études, Gaëtan? Je rentre en kiné. Je voudrais votre avis sur cette petite phrase de Maxime Prévost qui a dit « Il est bien évident que les allocations familiales ne sont pas un moyen de rétablir l'égalité entre les gens. Il est bien évident que ce n'est pas avec cette petite somme d'allocations familiales qu'on va remettre les pauvres un peu plus riches et que les riches vont être un petit peu plus pauvres. Ce n'est pas un élément d'égalité. » Il faut que les gens arrêtent de faire des enfants pour profiter du système. Et ils faisaient ça, les gens ? Ici sur Serein, il y a énormément de familles qui ont plusieurs milliers d'euros d'allocation familiale. Donc tout le monde voulait à tout prix le troisième. L'économie est en danger. Tout le monde voulait le troisième à tout prix, en partant du principe qu'en moyenne, c'est 92 euros, 170 euros, 254. Tout le monde voulait le troisième. Je trouve ça un peu aberrant de profiter du système juste en faisant des enfants. Il y a plein d'enfants qui sont malheureux. Juste parce qu'on les fait pour avoir de l'argent, des allocations familiales. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? À partir de 2019, on aura la même chose pour tous. On va continuer à faire des enfants à Serein ou plus? C'est très bien qu'on soit pauvre ou riche, on a tous le droit à la même somme. Tout le monde travaille pour gagner son salaire. Donc on est justement ceux qui ont plus d'argent sont encore plus taxés. Donc que tout le monde ait la même chose, c'est très bien. Et par enfant, il y a une telle somme à dépenser par mois par enfant. Et je ne vois pas pourquoi, quand on en a 5, on touche... ça fois 10, quoi, limite, ça, je trouve ça un peu aberrant. Ah, juste un truc, Gaëtan, le petit flamand, il va avoir plus. Ça vous gêne pas? Ben, ça a toujours été différent entre la Flandre et... Enfin, il y a plein de choses que nous, on paye, qu'eux ne payent pas. Ça, c'est aberrant aussi, comme la taxe télévision, par exemple. Ah, il y a des différences, la taxe télévision qui un jour disparaîtra. C'est ce qu'on nous dit en Wallonie. Autre conversation pour une prochaine fois. Gaëtan, je retiens que depuis l'université, vous estimez que 125 euros, si c'est ça le montant, ça va, ça marche chez vous. Namur nous appelle maintenant. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Les frères Dardenne voulaient faire un film sur le terrorisme islamiste, avec un personnage fanatique. Et voilà qu'on apprend qu'il renonce. Lâcheté ou bon sens? Ben, je trouve que c'est un bon sens de ne pas faire le film, quoi, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même formidable, quoi. Pourquoi ça vous aurait choqué qu'on fasse un film? On ne sait moi, pas. Personnellement, mais... moi, personnellement, non. Mais les terroristes, ben, s'ils voient des films comme ça, ça pourrait récidiver, quoi. Ah, ça les glorifie un peu ou ça leur donne des idées? Ça leur donne des idées. En plus, ces gens-là n'aiment pas qu'on touche à leur religion, parce que moi, je suis musulman, mais pas pratiquant. Mais ces gens-là, c'est pas des musulmans, c'est des fous, quoi. Mohamed, vous connaissez le profil des frères Dardenne, vous savez leur travail des personnages. Ici, l'idée apparemment était de s'intéresser à un personnage fanatique. Et donc, on aurait bien travaillé sa personnalité. Ça n'aurait pas pu nous aider à comprendre le mécanisme de ces gens qui, tout d'un coup, partent, reviennent, prennent des armes, n'en prennent plus. Ça ne nous aurait pas aidé? Non, absolument pas. Les frères Dardenne, hein? Pas Hollywood, les frères Dardenne. Même eux, moi je trouve qu'ils devraient rester à leur place par faire des films comme ça, parce que ça pourrait faire des histoires, quoi. Vous avez vu qu'au cinéma en ce moment, il y a plein de films qui parlent de terrorisme, qui parlent d'Irak, oui, qui parlent d'Afghanistan. C'est pour ça que ça attire le terrorisme, monsieur. Il y a un effet de contamination. Oui. Vous voulez pas voir l'histoire de Salah Abdeslam au cinéma? Ah non, ça va empirer les choses, ça, monsieur. Parce que lui, il est déjà là-bas, mais il y a de la relève, hein, monsieur. Même s'il est là-bas, ces gens-là sont plusieurs et il y a toujours une relève, hein, monsieur. C'est comme Ben Laden. Ben Laden, il est mort. On a fait un cirque, il était mort. Et puis ça a commencé avec Salah Abdeslam. Et maintenant, ça va commencer avec n'importe qui. Et encore. L'histoire d'Abdelhamid Abaoud, vous la voulez pas au cinéma? Absolument pas, monsieur. Ah, c'est pour l'un comme pour l'autre, c'est un non. Mohamed Anamur, bravo Dardenne qui renonce à ce film. On verra si on peut aller plus loin dans la conversation tout à l'heure. On va marquer une nouvelle pause. Et puis à Gosselies, Grégory viendra conseiller les travailleurs de Caterpillar. Travailler, débrayer, tout casser. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Rendez-vous samedi après-midi, place Saint-Lambert à Liège pour applaudir Suarez, Alice on the Roof, accompagné par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie dans le cadre de l'opération Debout Citoyen. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 10 septembre à Liège. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Le mercato de football est terminé. Ce lundi 5 septembre, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent en exclusivité le guide officiel de la Pro League. Un supplément de 48 pages pour tout savoir sur la saison de la Division 1. Noyau complet, calendrier des rencontres, dernier transfert, c'est ce lundi 5 septembre et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. un hommage à Toots Tielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché, Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood, BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Et au 0 70 233 466, c'est pas encore officiel, mais quasi. On sait donc depuis ce week-end que le montant des allocations familiales en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160 par enfant par mois. Content ou pas content à ce propos, Marion? Et à ce propos, Maïté Derstal n'est pas du tout contente. La régionalisation des allocations familiales, pour elle, c'est une grosse erreur. Elle ne comprend pas pourquoi un enfant wallon vaut moins qu'un enfant flamand. Ce n'est pas normal. Ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes coûts. Maïté est mère célibataire et elle a 3 enfants. Elle explique qu'elle paye les mêmes impôts que les flamands. Alors pourquoi elle aurait 40 euros en moins par mois par enfant? Eh bien, ce n'est pas normal. Elle parle d'injustice. C'est vous qui le dites à Gosselies. Grégory, bonjour. Bonjour. Vous savez que les travailleurs de Caterpillar sont aujourd'hui réunis en Assemblée Générale pour penser la suite. Eh bien, quelle est la bonne attitude d'après vous? Travailler, débrayer ou tout casser? Pour moi, débrayer sans tout casser. Pourquoi la grève, alors que ce n'est pas le message des syndicats, hein? Quel serait l'intérêt de ne plus fabriquer de machines à partir de maintenant? Déjà, ça ferme, donc je comprends déjà pas les ouvriers qui vont travailler le lundi matin en sachant que l'entreprise va travailler. Donc pour moi, ce n'est pas une solution de montrer son mécontentement. Et il y a d'autres alternatives à montrer notre mécontentement par rapport à la fermeture. Oh, mais c'est pas donc, une fermeture là immédiate. Maintenant, on sait qu'il y a une phase d'atterrissage. C'est tout ce plan Renault à négocier. Et la fin, elle est pour 2017. Caterpillar a dit qu'il faut travailler jusqu'en 2017 et il y a encore un contrat de travail. Oui, y a un contrat de travail, mais il faut quand même montrer le mécontentement. Donc n'importe quel travailleur peut partir, et n'importe quelle société multinationale peut partir, sans rien, et laisser des emplois comme ça sur le côté. Non, il faut montrer autre chose. Oui, mais j'essaye un raisonnement. Dites-moi jusqu'où on peut aller. Quand on fait grève dans une usine, c'est parce qu'on réclame quelque chose au patron. Mais ici, faire grève servira à réclamer quoi ? La messe est dite, fermeture. La messe est dite, non, mais simplement de montrer l'opinion, de dire que les multinationalistes comme ça, des entreprises, peuvent pas passer et repartir comme ça, comme ils le veulent. C'est aberrant, pour moi, c'est aberrant. Vous êtes sûr que c'est un bon signal? Parce qu'on parle déjà aujourd'hui de peut-être récupérer le site. On se dit que ce serait pas mal que la région récupère l'ensemble du site. Vous êtes sûr qu'en faisant grève et qu'en embêtant M. Caterpillar, vous êtes sûr qu'on va bien négocier la fin de cette histoire? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y aura un repreneur vis-à-vis de Caterpillar. Moi, sincèrement, j'en suis vraiment pas sûr. Et je pense qu'on est en train encore... les syndicats vont faire leur possible pour résoudre ce problème. Et je pense qu'on va encore berner certains travailleurs. Ah ben, il y a plusieurs pistes. Il y a repreneur, et puis il y a aussi reprendre le site, reprendre la possession, la propriété du site pour en faire autre chose demain. Grégory, votre conseil aux travailleurs, débrayer, mais dans le calme. Nous allons maintenant à Modave. Rosa en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Les frères Dardenne voulaient donc faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique qui aurait été bien travaillé, mais ils renonceraient. Lâcheté ou bon sens? Bon sens, bien sûr. Ça a l'air tellement évident. C'est très évident pour ma part. Je trouve ça très évident parce que la façon dont les frères Dardenne traitent leur personnage, ils risqueraient encore de laisser une porte ouverte à la sympathie pour ces gens-là. Ils ont certainement pris la température autour d'eux et se sont posé beaucoup de questions. Oh mais c'est ça, leur force, quand ils font le portrait d'un chômeur, il y a toute la réalité dans ce que ça a de sympathique, dans ce que ça a de désympathique. Oui, d'accord. C'est à charge et à décharge. Pour ces gens-là, là je suis sectaire, il ne faut pas faire un film de plus, ce serait un film de trop. Il y a une information, je pense que... Et donc vous voulez mentir. Si on fait un portrait de fanatique, vous voulez pas qu'à un moment il ait l'air normal dans sa vie, heureux dans sa vie, joyeux dans sa vie. On peut pas. Il faut travestir. Je ne pense pas que ce soit là la question. Je pense que si ce fanatique dressé par les frères Dardenne, et ça c'est ma crainte, et c'est certainement les questions qui se sont posées aussi en élaborant le personnage, les jeunes risquent de s'identifier à ce mal-être, à tout ce que qu'on peut avoir. C'est l'effet contamination dont parlait tout à l'heure Mohamed. Vous êtes alors sur la même longueur d'onde que lui. Voix Modave, lui à Namur. Merci Rosa. Peut-être tout à l'heure la suite de la conversation. Trop, Alison, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous qui avez 3 enfants, 8, 2 et 10 mois, c'est pas encore officiel mais quasi. Demain, allocation familiale quelque part entre 120 et 160 euros. Contente ? Non, pas du tout, imaginez. Je perds 300 euros. Qu'est-ce que c'est 300 euros ? C'est beaucoup aujourd'hui. Avec un revenu, comment est-ce qu'on va faire ? C'est impossible. Je mets au défi la personne qui arriverait à s'en sortir. Mais il se peut que vous gardiez votre vieux système, avec des montants différents, mais ceux qui auront des enfants après 2019, ils n'auront que ce montant. Donc il y aura deux systèmes. C'est juste ou c'est pas juste ? Je trouve ça honteux. C'est tous à la même place, tous égaux. Que ce soit flamand, wallon, blanc, noir, rouge, vert, tous égaux, tous au même montant. Eh bien alors prenez 120. Prenez 120. C'est trop peu. Je vous dis ça parce que c'est Maxime Prévost qui a dit la réalité de demain. On sera bien en deçà de la Flandre qui est à 160, donc le vrai montant est quelque part entre 120 et 150, en fait. Alison, ça ne vous convient pas. On verra si la conversation s'impose après ceci. Envie de rire avant tout le monde. Découvrez en exclusivité la deuxième saison de la web-série sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute ? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. Une place près d'un mur. Attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite. Ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Flash présenté par Catherine Tonero. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Une journée d'assemblée générale chez Caterpillar à Gosselies. Celle des ouvriers s'est déjà terminée. Ce matin, une autre est prévue pour les employés en fin de matinée et puis durant les pauses. Les syndicats vont exposer aux travailleurs la stratégie qu'ils comptent mettre en place pour les 2200 emplois directement menacés par la fermeture de l'usine. Notez que des délégués syndicaux de sous-traitants sont également sur place. En tout, ce sont 6000 postes qui sont menacés. Les syndicats ont promis des actions à venir alors que la procédure Renault de licenciement collectif doit seulement débuter. Un colis suspect à Montigny-sur-Sambre. Il a été découvert ce matin devant les locaux de la maison communale et le commissariat de police. Les forces de l'ordre ont instauré un périmètre de sécurité autour de la zone et appelé les démineurs pour faire sauter le colis. C'était, on vient de l'apprendre, une fausse alerte. Khalid Zerkani de retour devant la justice. Il doit comparaître dès aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour un deuxième procès. Zerkani est considéré comme le plus grand recruteur de djihadistes en Belgique. Il avait déjà été condamné à 15 ans de réclusion dans le cadre d'une première filière de recrutement. En France, le ras-le-bol des habitants de Calais. Ils mènent ce matin une opération coup de poing pour la fermeture de la jungle, cet immense camp où vivent près de 7000 réfugiés. Des dizaines de camions bloquent les accès vers Calais, où le nombre de réfugiés a presque doublé ces derniers mois. Vendredi, le ministre de l'Intérieur avait annoncé le démantèlement de la jungle, mais sans donner de calendrier précis. Sport football et les Diables Rouges sont arrivés à Chypre hier soir. Ils disputeront demain leur premier match qualificatif pour le Mondial 2018. Vermaelen et Lukaku devraient être titulaires. Enfin, la météo et des nuages encore nombreux ce matin, mais ça va progressivement s'éclaircir cet après-midi. Maxime a compris entre 18 et 23 degrés. Ça va s'améliorer de jour en jour pour revenir à des conditions estivales en fin de semaine avec jusqu'à 29 degrés programmés pour vendredi. Le point RTBF Mobile Info retrouve Stéphane Piebeuf et le retour du calme sur nos routes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelques ralentissements cependant pour rejoindre Bruxelles via le 411 où vous ralentissez légèrement entre Jésus-Eik et Léonard pour atteindre le carrefour Léonard. Sur le 19 également en venant d'Anvers entre Petit et Maquelon. Alors sur le Ring, 10 minutes supplémentaires en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Moins de 10 minutes en circulation extérieure entre Hautitre et le carrefour Léonard. Et puis par contre, il y a de gros embarras de circulation à Bruxelles. Chaussée de la Hulpe, Drève de Lorraine et chaussée de Waterloo. Patience si vous êtes concerné. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on retrouve Benjamin Maréchal pour C'est vous qui le dites sur Viva. Oui, c'est le début de la semaine. Vous êtes là pour commenter l'actualité et la deuxième partie est en direct. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, la question qui dérange, les croquettes pour chiens contiendraient au moins 8 substances toxiques qui font 1. Baisser la fertilité des chiens, 2. Qui augmentent les cancers des testicules des chiens. D'où la question qui dérange, faut-il se méfier, surtout paraît-il, des croquettes pour chiots et des croquettes humides. D'où vient cette alerte? Eh bien, elle vient d'une étude de l'université de Nottingham en Angleterre. Pendant 26 ans, ces chercheurs ont suivi 232 chiens de 5 races différentes et analysé chaque année la qualité du sperme. Eh bien, le verdict est assez étonnant. La fertilité des chiens a chuté, le taux de mortalité des femelles a augmenté de 30%, le nombre de cancers des testicules a également augmenté. Qui est coupable? Les phtalates qu'on trouve dans les plastiques et 7 autres perturbateurs endocriniens. Il n'y a qu'un problème dans cette étude, c'est qu'elle ne donne pas les marques concernées, elle ne donne pas les marques dangereuses. Voilà une question qui dérange. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, mais je vais tenter de joindre la société Royal Canin, une société qui fabrique des produits alimentaires pour animaux. Mais je vais aussi aller prendre des informations du côté de l'Union professionnelle des vétérinaires ou encore auprès de l'Ordre des médecins vétérinaires. Oui, sensation personnelle, ça s'annonce compliqué parce qu'on imagine que les marques croquettes pour chiens auront dû mal ou ne voudront pas répondre, mais on va voir. C'est le challenge, puisque nous cherchons en temps réel les bons interlocuteurs. Vous voulez nous éclairer dans la conversation? Laissez votre éclairage à Marion Standard. Et le problème pour Daphné de la Louvière, c'est qu'on ne sait pas que les aliments pour chiens sont mauvais pour leur santé. Daphné, elle s'en est rendue compte par elle-même. Elle est toiletteuse et elle le voit aussi bien sur ses propres chiens à elle que sur ceux de ses clients. Il y a une réelle différence entre les chiens nourris à la nourriture naturelle et ceux qui mangent des croquettes. Alors pour nous les nourrir, Daphné, elle fait à présent appel à un traiteur pour chiens. C'est peut-être plus cher que les croquettes, mais au moins elle économise l'argent en n'allant plus chez le vétérinaire. Les croquettes pour chiens contiendraient au moins 8 substances toxiques qui font baisser la fertilité des chiens et qui augmentent le cancer des testicules chez les chiens. Faut-il se méfier des croquettes, surtout pour chiots et des croquettes dites humides? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Travailler, débrayer, tout casser, quelle est la bonne attitude pour les travailleurs de Caterpillar? Ensuite, les frères Dardenne, qui voulaient faire un film sur le terrorisme islamiste avec un personnage fanatique, mais ils renonceraient. C'est de la lâcheté ou c'est du bon sens? Et puis, c'est pas encore officiel, mais quasi. Demain, le montant des allocations familiales en Wallonie sera quelque part entre 120 et 160 euros par mois par enfant. Vous êtes content ou pas content? Marion, 3 débats au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la préannonce de fermeture de Caterpillar. Quelle est la bonne attitude pour les ouvriers? Doivent-ils travailler, débrayer ou tout casser? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui dites. 3 jours après l'annonce de la fermeture pure et simple, les travailleurs se réunissent aujourd'hui en Assemblée Générale pour penser la suite. Il y a déjà eu une Assemblée Générale tout à l'heure, il y en aura tout au long de ce lundi. Vous aurez noté que ce week-end, les syndicats ont lancé l'appel au calme et au travail, sans doute, dit-on, parce que la phase d'atterrissage, la fameuse procédure Renault, va être très très longue. Il ne faut pas s'user ou déborder maintenant. Il semble que Caterpillar envisage le travail jusqu'en 2017. On peut quand même, de manière raisonnable, douter de la pleine production et de la pleine productivité d'ici là. On a déjà dit que vendredi, des travailleurs avaient mis des machines de côté pour constituer comme un petit trésor de guerre. On chuchote que les ouvriers vont continuer à produire, mais qu'aucune machine fabriquée ne sortira de l'usine. C'est le petit trésor de guerre. Et puis vous aurez noté que Chris Peters, ministre de l'Emploi, qui à l'époque avait connu la fin de Forda Genk et qui connaît bien ce genre de situation, eh bien vous noterez qu'il a dit au passage qu'il ne fallait pas ouvrir un grand débat sur les multinationales, une manière aussi de dire ne nous échauffons pas trop. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Eh bien, il faut, à mon avis, débrayer de façon intelligente en incluant les hommes politiques, y compris au niveau du fédéral et nos syndicats, y compris au niveau de l'Europe, pour donner une frappe mesurée

de taxes sur leur prime de départ qui leur en déduit seulement que 10%. Noël, juste une chose. Donc vous demandez aux travailleurs d'aller au bout. Vous leur demandez de travailler jusqu'au dernier jour. Il y a des machines qui vont être fabriquées. Ces machines, on les laisse partir à la vente ou ces machines, on les stocke dans les entrepôts parce qu'il semble que certains aient cette envie-là, faire un petit trésor de guerre. Oui, mais ça ne sert à rien. C'est maintenant qu'il faut frapper sur le clou. C'est maintenant qu'il faut négocier avec Caterpillar et leur faire signer des mentions comme quoi ils donneraient une prime de départ. Mais donc, je vous repose la question. Les ouvriers travaillent, Noël. Les ouvriers... Non, pas. Noël. Mais bon, c'est rien, mais bon, qui négocie ces primes-là par année de présence. Noël, j'ai bien compris, mais qu'est-ce qu'on fait de la marchandise qui est fabriquée? On la laisse être vendue ou elle sort pas de Gosselies? Ben, si elle est là, elle va perdre de sa valeur. Bon, ça ne sert à rien du tout de stocker. Bon, il faut quand même de l'argent. Bon, si les ventes, qui c'est qui va les vendre après? Vous ne sauriez pas les vendre parce que vous devez rentrer sur le marché de la vente. Donc, alors, autre élément, vous me dites on travaille. Pendant ce temps-là, les organisations syndicales négocient des belles primes. Mais quel est le moyen de pression des organisations syndicales? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a aucun. La direction américaine, elle est loin. Si, il y a moyen de presser. Bon, si, parce que ici, c'est quand même pas une fermeture sur faillite, c'est une fermeture économique. Eh bien, il faut. Et à ce moment-là, les politiciens, au lieu de nous chanter à longueur de journée, qui les soutiennent et qui. Non, mais le soutien, il est là, il est unanime. Hein. On a parlé de task force, on sait que Charles Michel, Paul Magnette, Chris Peters, tout le monde s'est réuni, tout le monde parle d'une seule voix, donc le soutien politique, il est là. Noël, je vous dispense de la suite de conversation dans ce cas. Travailler, pendant ce temps-là, on négocie des primes, oui, mais avec quels moyens de pression? Puisqu'on a bien vu qu'on était incapable et impuissant quand une entreprise américaine annonce la fermeture pure et simple. Liège nous appelle. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Trancher, travailler, débrayer, tout casser? Ben non, travailler, évidemment, parce que, bon, il faut savoir que, enfin, je pense que la décision est prise, il n'y a pas moyen de faire marche arrière, donc ce que les ouvriers et les employés de chez Caterpillar peuvent encore espérer, c'est d'avoir de bonnes conditions de sortie, et de donner surtout une image de la main-d'œuvre belge, qui, malgré quelque chose une tuile qui tombe sur la tête, malgré ça, je veux dire, on reste professionnel et on travaille jusqu'au bout. Et c'est une des raisons. C'est un signal aux repreneurs. Là, vous êtes en train de me dire, ouvriers, soyez dignes en pensant aux repreneurs. Oui, mais casser tout, faire des grèves, ça sert à rien. Regardez. Si je peux me permettre, si vous me laissez 2 minutes... Je vous en prie. J'aimerais vous raconter quelque chose. Je travaille dans le monde de la construction, et fin 2012, je travaillais pour une société qui est assez connue en Wallonie, et j'ai eu un client qui travaillait chez Caterpillar, c'était un ingénieur, donc fin 2012. Et cet ingénieur m'a dit textuellement, parce que je lui parlais de son boulot, Caterpillar, etc., il m'a dit « Caterpillar, à moyen terme, on va fermer ». Alors je dis, comment ça, Caterpillar, c'est important ici dans la région. Alors, il me dit non, la direction américaine en a ras-le-bol, des grèves à répétition, et en plus... Pensez que c'est pour ça, parce qu'on a dit que le site était trop grand. Et du coup, non, ça n'a absolument rien à voir. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Oui, mais bon, ils ne vont pas vous dire que c'est parce que... vous savez, prenez les 5 dernières années. Enfin, moi, c'est ce que ce monsieur qui est ingénieur, qui travaillait là-bas... m'avait dit. Hein. Je vous donne un chiffre. 28 grèves en 18 mois, Jean-François, chez Caterpillar. Oui, c'est beaucoup? Mais écoutez, je vous demande simplement, je demande à tous les ouvriers de Caterpillar, à tous les ouvriers de Belgique, à tous les employés, au monde du travail, si vous étiez investisseur étranger, alors que maintenant nous sommes dans la mondialisation, et c'est un message que je donne aussi aux politiques, c'est facile de parler de task force, de parler d'union sacrée, hein, Michel, etc., mais quand on voit le coût salarial en Belgique, quand on voit le nombre de grèves qu'une entreprise, une PME belge ou une multinationale doit subir, franchement, est-ce que vous avez envie de venir investir en Belgique ? Ah ben vous savez qu'il y a une réflexion qui n'aboutit pas encore sur la fameuse réforme de l'impôt des sociétés. C'est le gros dossier de l'été. On dit que ça aboutira avant la fin de la législature. L'impôt en moyenne est à 33%. On pourrait passer par palier à 27 puis 20. Enfin, tout ça, c'est volonté politique. Ça n'y est pas encore. Ça répond à votre interpellation, Jean-François, sur le contexte et le coût de la main-d'œuvre aussi. Courcelles, maintenant, nous appelle. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui êtes ouvrier Caterpillar depuis 32 ans, vous êtes au travail ce matin ou pas ? J'ai fait la pause après-midi. Et vous irez ? Oui, je vais y aller, oui. J'écoute ce que le syndicat dit, et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, le syndicat, ce matin ? Le syndicat, j'ai pas vu, mais bon, j'ai entendu les informations ce matin qu'il faut aller travailler et rien casser, quoi, c'est tout. Il faut penser à toutes nos familles. Que nous sommes plus de 5000 personnes dans le besoin de continuer à travailler. Et puis voilà quoi. Gabriel, vendredi, quand vous apprenez que ça ferme, vendredi, votre envie c'est quoi ? Travailler, débrayer, tout casser, vendredi, hein ? Non, travailler. Travailler dignement et honnêtement quoi. Vous espérez quoi ? Parce que c'est ça l'enjeu de cette phase d'atterrissage que la procédure Renault, c'est d'obtenir quelque chose, une belle fin en quelque sorte. Vous espérez quoi, vous ? Comme on dit, une belle fin pour tout le monde, qu'elle soit, je veux dire, c'est triste d'en arriver là, quoi. Parce que bon, un qui rentrait chez Caterpillar il y a 20-30 ans d'ici, on devait finir notre carrière là-bas, quoi, c'est tout. Gabriel, vous aurez la force de travailler cet après-midi ou ce sera une demi-journée ? Tout dépend ce qu'on va décider, ce qu'on va voir. Je ne saurais pas vous dire comme ça. La force de travailler, je veux dire, non. Moralement, non. Est-ce que c'est vrai que des collègues à vous sont en train de stocker des machines, de les mettre de côté, qu'on a déchargé des machines, des camions pour faire un petit trésor de guerre ? C'est vrai ou pas ? J'ai vu qu'il y avait des machines qui rentraient dans le bâtiment d'assemblage. Ça, oui. On les a vues, c'est tout. Et votre stratégie, c'est quoi ? Il faut garder de la marchandise ou il ne faut pas garder de marchandise ? C'est difficile à dire de ce côté-là, parce que bon, le problème, c'est que... oui, on peut garder la marchandise, mais jusqu'à quel point ? Jusqu'à quand ? C'est ça qu'il faut voir. Et à votre avis, jusqu'à quand ? Si on peut garder tout jusqu'à juillet, oui. Pourquoi pas ? Vous commencez à quelle heure tout à l'heure, parce que vous faites la pause de l'après-midi ? Je commence à 14h42. Et vous en avez jusqu'à ? 22h42 ce soir. Ce soir, et vous aurez entre-temps l'Assemblée Générale, puisqu'on sait qu'une partie, ceux qui ont fait la pause du matin ont eu l'Assemblée Générale tout à l'heure, les employés doivent être informés là, plus ou moins, en ce moment, et puis en fonction des pauses, vous aurez l'info tout à l'heure. Merci Gabriel d'avoir dit votre choix depuis l'intérieur du site, donc travailler, c'est le choix que vous faites ce matin. On va marquer une pause, et dans un instant, nous verrons quelle est la première tendance au standard, le choix, hein, travailler, débrayer, tout casser. Et puis à Ougré, Giuseppe, qui vient donc d'une terre de sidérurgie, conseillera les hommes de Caterpillar. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La 2 en télé. Chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, naît un enfant. Prêt ? Au cœur d'une maternité anglaise, soyez le témoin privilégié des grands commencements. Mais surtout, des petits moments de bonheur qui vous touchent à tout jamais. Une naissance à la minute, tous les mardis soirs, sur la 2. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois, sans doute ? Non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h, sur Viva Bruxelles. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Et au 070-233-466, Marion, une première tendance peut-être pour savoir quel est le choix qui semble s'imposer les 10h22, travailler, débrayer, tout casser ? Eh bien, au standard, la tendance va clairement en faveur du travail. Les ouvriers doivent continuer de travailler. C'est le conseil que donne Marie de Stoumont. Si les travailleurs arrêtent de travailler, ils vont perdre leur indemnité. Ce serait beaucoup d'argent en moins. Les ouvriers ne peuvent pas se permettre ce luxe. René de Marchand-Flamène est du même avis. Les travailleurs doivent continuer à travailler car il vaut mieux gagner 100% de son salaire que 60% du chômage. Alors, travailler, c'est une chose, oui, mais pourquoi ? Il y a la question du pourquoi. On vous parle souvent de l'image que ça donne de nos travailleurs. Voilà, c'est l'image que renvoient les travailleurs à l'étranger. Camille de Mété, eh bien pour elle, c'est une question d'image. S'il y a un repreneur intéressé, il va avoir peur de voir ses ouvriers en grève et qui cassent tout. Alors les travailleurs doivent penser à leur avenir et à l'image qu'ils renvoient. Léon de Vossem est du même avis. Si les multinationales quittent la Belgique, selon Léon, c'est à cause de tous les mouvements sociaux. Les grèves à répétition font peur à l'étranger. Alors les ouvriers doivent garder leur sang-froid et doivent retourner au travail. Quel est le choix que vous faites ? Quel est le choix que vous faites ? 070-233-466. Nous allons à Ougrée. Giuseppe, bonjour. Bonjour. On est d'accord que vous venez d'une terre de sidérurgie. Vous êtes dans le coin d'ArcelorMittal. Vous étiez sidérurgiste d'ailleurs ? Oui. Alors avec cette expérience-là, travailler, débrayer, tout casser ? Écoutez, débrayer, oui. Tout casser, non, parce que c'est leur outil. D'abord, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, c'est triste ce qui est arrivé. Alors, vous dites, est-ce qu'ils doivent faire sortir les outils, les machines ? Je dirais, à la limite, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ne vendraient-ils pas leurs machines pour leur bien, à eux, pour leur... Non. La loi, c'est que c'est la propriété de Caterpillar. C'est la propriété de Caterpillar. Ça, c'est la loi. Oui, mais les lois, on peut les changer quand on veut. Et il y a une autre chose aussi, que le gouvernement aussi doit, parce que j'attaque aussi le gouvernement, parce que le gouvernement est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Le patron, lui, a été s'installer gratuitement avec sans frais, sans taxes, sans rien du tout. Comme Mittal a fait et n'a même pas payé de taxes. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement a dit ceci ? Ah, vous partez, et ça va, ok, vous partez, mais vous rendez tous les cadeaux qu'on vous a fait. Ça, à ce moment-là, on verra... Giuseppe, juste un mot avant de voir... Un mot avant de voir ce que le gouvernement décidera ou comment il attaquera le siège de Caterpillar. Écoutez, parlons juste des travailleurs. Oui. J'ai pas compris. Vous me dites qu'ils doivent faire grève, mais en même temps fabriquer des machines pour les vendre dans le dos de la direction. C'est un mauvais mélange. Alors, ils doivent faire des mouvements. Sinon, c'est se plier au désirata du patron en disant « Oui, ça va, monsieur, vous avez fermé, on est content, on va recommencer à travailler, on va vous fournir vos outils et vous les sortez et vous gardez un peu d'argent. » Mais pensez aux repreneurs. Vous n'allez pas demander au personnel de Caterpillar de faire du hors-la-loi. C'est justement à ça que je pense, un repreneur. C'est pour ça que je dis, oui, il y a des mouvements de mécontentement qui doivent y avoir, mais ils ne doivent pas faire un arrêt de travail et casser tout. Ça, absolument pas, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un repreneur, tant mieux. Parce que c'est pour ça que je dis, ils ne doivent pas tout casser et ils doivent faire un mécontentement. Parce que fermer l'outil et directement que les travailleurs s'en vont, ça, c'est vraiment ne rien faire et être content. Mais alors, soyons très concrets. Vous avez bien dit tantôt au journal Parlé, vous avez dit que les syndicats, et c'est très bien, sont en train de s'organiser. Donc c'est ce que je vous dis. Hein. Voilà. Non, ils appellent au calme. Eux, ils appellent au calme et au travail, Giuseppe. Voilà. Vous ne vous dites pas la même chose que les syndicats. Hein. Vous appelez à débrayer. Gardons notre outil. Mais ce que je dis aussi, c'est que le gouvernement doit réfléchir à la situation. On leur a déjà posé la question quand ça a été avec Coquerel, de dire faites payer les entrepreneurs, les entreprises, et ne plus de faire des cadeaux comme on fait maintenant. Parce que des cadeaux, ils en ont eu beaucoup et assez. Plus que les travailleurs, ont fait des efforts abominables. Giuseppe, c'est parce qu'on ne parle que des travailleurs ce matin. S'ils débraient ou qu'ils montrent leur mécontentement, ils auront plus à la fin, ils auront une plus grosse prime de fin quand ce sera négocié Ils n'auront pas plus une plus grosse prime. Ce sera à négocier avec les patrons et les syndicats. Et c'est pas parce qu'ils vont faire plus de grèves ou plus d'autres. Le patron donnera ce qu'il donnera. Et puis basta. Donc on ne sait pas sur quelle base ils vont négocier. Ah ben donc c'est une info importante. Hein. Le patron donnera ce qu'il donnera. Je vais le noter, Giuseppe, parce que certains ont cru que l'attitude des travailleurs pouvait influencer d'une manière ou d'une autre la manière dont l'histoire allait se finir. Ah ben demandons également un avis à Belgrade. Éric, bonjour. Bonjour. Vous pensez que l'attitude des travailleurs de Caterpillar aura un impact sur ce qu'ils toucheront à la fin ? Ben, je pense que leur attitude, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment le choix. Et ce sont des gens qui ont subi, pour moi, un attentat économique, parce que c'est un licenciement boursier, et que la meilleure attitude, malheureusement, c'est de ne rien faire. ça va être très très difficile de rester comme ça, de rien faire, de continuer à travailler. Donc de travailler, donc c'est ça moi, que vous leur conseillez, travailler. Je leur conseille, mais pour moi je crois qu'il y a une autre solution malgré tout que vous n'avez pas citée. C'est la société civile. C'est un poids énorme, la société civile. Nous avons quelque chose qui est obligatoire à tout citoyen, c'est de voter. Moi, je dis à tout le monde, ceux qui le veulent, qui ne veulent pas, parce qu'il y a des gens qui ne s'engageront jamais, mais téléphonez à votre bureau de parti et dites-leur un petit peu, si vous ne faites rien, moi, je ne vote plus pour vous. Mais ce n'est pas le PSLCDH qui ont fermé Caterpillar. C'est un directeur financier qui est venu des États-Unis, de l'Illinois, qui a annoncé la fermeture. Ce n'est pas le PSLCDH qui ont fermé Caterpillar. Hein. Non, maintenant, ça, je n'y crois plus. On ne va pas pouvoir changer quelque chose. La meilleure solution, c'est de pouvoir aider ces gens à trouver une autre solution, soit une prime de départ, comme on en parlait tout à l'heure, soit un reclassement. Moi-même, j'ai déjà été reclassé 3 fois. Hein, mais je faisais pas partie de grosses sociétés, hein, mais je me suis débrouillé tout seul comme un grand. Et ça m'a tellement été difficile que maintenant j'en suis malade. J'ai attrapé une maladie avec tout ça. Eric, alors au jour le jour. Je n'ai pas gagné grand-chose. Mais je pense que les gens doivent être solidaires. Et c'est la population qui va faire la pression sur le politique, qui lui va être obligé de faire, mais ne fût-ce qu'un strict minimum. Parce que souvent, je ne pense pas. Éric, avant le moyen terme et le long terme, avant le moyen terme et le long terme que sont les élections, au jour le jour, cette marchandise que les ouvriers de Caterpillar vont fabriquer cet après-midi et demain, on la laisse partir à la vente, on joue encore le jeu économique, ou tout ça on stocke dans l'entrepôt pour dire à M. Caterpillar, tu nous mets une belle prime, on ne te rend pas ton matos. Qu'est-ce qu'on fait ? Au jour le jour. Moi, je pense que les ouvriers doivent faire de l'excès de zèle, montrer que ce sont des bons ouvriers, et ils prennent les machines et ils vérifient de A à Z que ces machines soient montées convenablement. Le rendement sera moins rapide, mais les machines sont parfaites. Puis ils les vendent, hein, ils font ce qu'ils veulent avec. Ça leur appartient, c'est à l'usine. Ah ben donc c'est ils prennent bien leur temps à vérifier qu'il n'y ait pas un petit coup de peinture quelque part, qu'il ne manque pas un câble, que tout soit nickel. Vous n'avez pas tout dit. Ils prennent leur temps. Donc quand vous me dites « je conseille aux travailleurs de travailler », vous rajoutez en petit, plus bas dans la page, avec moins de productivité. Absolument, mais c'est un petit peu comme quand nos douaniers font l'excès de zèle et qui contrôlent tout le monde à la douane. C'est un petit peu la même chose, on fait un travail, mais on le fait de manière mais perfectible, au maximum. Là, on ne sait rien leur en vouloir. Et si on travaille... Et de toute façon, les machines ne leur appartiennent pas, elles seront vendues, donc ça ne sert à rien d'aller se battre. Ça, c'est des histoires de... Ça ne sert à rien, c'est inutile. Donnez-moi un avis. Si on travaille, avec ou sans excès de zèle, peu importe, si on travaille mais qu'on joue le jeu, vous croyez que M. Caterpillar, il va nous donner à nous, région Wallonne, le terrain, qu'on va pouvoir disposer de l'espace, ou M. Caterpillar, il va garder son terrain et il en fera ce qu'il veut? Moi, je pense que M. Caterpillar va faire tout pour garder son terrain, mais de nouveau, à nous de faire pression sur nos politiciens pour utiliser des juristes et combattre afin de gagner au moins quelque chose. Mais il est clair que ce sont des gens qui sont puissants, ça leur appartient. Ils ne vont pas redonner ça comme ça, hein. Il ne faut pas croire. Hein. Ah ben, ce sera quasi le thème d'une prochaine conversation. Hein. Quels sont les moyens de pression du gouvernement wallon, du gouvernement fédéral? Parce que pour l'instant, eux aussi espèrent une négociation, mais. Éric, vous conseillez de travailler, mais en tout petit, en bas de la page, avec moins de productivité. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime que les ouvriers doivent continuer de travailler, mais sans bloquer la marchandise en entreprise? Alors 30% des personnes sont en faveur du travail, se disent également en faveur du blocage de la marchandise à l'intérieur de l'usine. Bloquer la production, ne rien laisser sortir de l'usine, eh bien c'est une manière de montrer au grand patron la force des ouvriers. Ils continuent à produire, mais ils ne peuvent plus rien livrer. Jérôme de Thiange me dit ceci, les ouvriers sont les vrais maîtres de la production. Sans les ouvriers, il n'y a pas d'entreprise. C'est l'heure TBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Léger ralentissement aux portes de Bruxelles sur l'E40 qui vient de Gand, défile depuis Ternat jusqu'à Grand Bigard. Un accident s'est produit sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Léonard. La bande de gauche est neutralisée. Il y a des files depuis Wezenbeek vers Waterloo. Mais ceci dit, sur le ring, vous ne perdez pas énormément de temps. Une dizaine de minutes en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard. 10 minutes supplémentaires pour la circulation intérieure entre Zaventem et le carrefour Léonard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Les croquettes pour chiens contiendraient au moins 8 substances toxiques qui font baisser la fertilité des chiens et qui augmentent les cancers des testicules des chiens. Le résultat d'une étude universitaire. Quelles croquettes? Qui? Quel danger? J'attends un nom après la pause. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a ? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offert sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti ! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jeanine ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise de manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Les croquettes pour chiens contiendraient au moins 8 substances toxiques qui font baisser la fertilité des chiens et qui augmentent le cancer des testicules chez le chien. C'est donc une étude de scientifiques britanniques qui ont analysé pendant 26 ans 232 chiens de 5 races différentes. Et le résultat semble terrible puisqu'on découvre en analysant la qualité du sperme de ces animaux que 1. La fertilité a chuté, que 2. Le taux de mortalité des femelles a augmenté de 30%, que le nombre de cancers des testicules a augmenté et tout ça à cause des phtalates et de 7 autres perturbateurs endocriniens. Sauf que parmi les problèmes qui dérangent, l'étude ne dévoile pas les marques qui sont concernées. Ce qui, nous, évidemment, nous arrangerait plutôt bien. Mélanie Joris, on sentait que ce dossier allait être compliqué. Vous cherchez le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste ? Alors, plusieurs pistes, je les ai déjà évoquées. Un nom, en tout cas, pas pour le moment. Alors, j'ai contacté la société Royal Canin. On devait me mettre en contact avec le service presse et le service d'études scientifiques. Malheureusement, depuis ce matin, 8h, aucun retour de leur part. Alors, j'ai ensuite contacté le docteur Thierry Tramazur. Il est président du conseil francophone de l'Ordre des médecins vétérinaires. Il était en train de commencer une opération quand je l'ai appelé et il poursuivait avec toute une série de rendez-vous pendant le reste de la matinée. Alors de même pour le docteur Benoît Bertrand, le vice-président de l'Ordre des médecins vétérinaires. Alors je me suis tournée vers l'Union professionnelle vétérinaire. Marc Renard, le président de l'UPV, m'a conseillé de poser toutes nos questions au docteur Marianne Dillet, professeur en nutrition des animaux de compagnie à la faculté de médecine vétérinaire de l'ULG. Elle préfère prendre cette étude de l'université en Angleterre avec des pincettes et ne souhaite pas entrer dans une interview avec nous. J'ai donc ensuite contacté le docteur Yvan Beck, vétérinaire et président de l'association Planète Vie. Il est en consultation et il ne peut pas se libérer. Même chose du côté du docteur Gérard Lippert qui s'y connaît dans tout ce qui concerne l'alimentation et la nutrition des animaux. Pour lui, les chiens et les chats doivent réapprendre à manger comme dans la nature. Malheureusement, il n'est pas disponible non plus. Donc je continue à faire mes recherches. Eh ben c'est la poisse. On se doutait que ça allait être compliqué. À la fois une étude scientifique qui alerte, des marques qui ne sont pas connues, mais qui seraient donc impliquées. On savait que ça allait être compliqué. Je rappelle la règle. Hein. Si on n'a personne, nous avons 5 minutes de conversation liées à ce dossier. C'est votre éclairage qui comptera plus que jamais. Et peut-être même travaillez-vous en animalerie. En attendant, voyons les éclairages que vous nous laissez. C'est via Marion au standard. Et le problème pour Valentin de Perruet, c'est que la nourriture pour chiens coûte trop cher. Valentin a 2 bergers allemands. Et s'il devait acheter des croquettes de marque à parfois 60€ le sac de 10 kilos, eh bien c'est un budget beaucoup trop élevé pour Valentin. Il achète lui des croquettes de sous-marque à 15€ les 10 kilos. Alors même si ces croquettes sont mauvaises pour la santé, eh bien Valentin ne saurait tout simplement pas acheter d'autres sacs. Bon, alors la question qui dérange ce matin, les croquettes pour chiens, surtout paraît-il les croquettes pour chiots et les croquettes humides, contiendraient au moins 8 substances toxiques qui font baisser la fertilité des chiens et qui augmentent le cancer des testicules. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Et si oui, de quelle marque? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur la bonne attitude à avoir quand on est ouvrier de Caterpillar Gosselies. Travailler, débrayer, tout casser. Quelle est la bonne attitude alors qu'aujourd'hui les syndicats en Assemblée Générale informent les travailleurs et pensent évidemment à la suite du mouvement. L'appel tout au long du week-end a été le suivant. Travailler. Il faut travailler dans le calme. Caterpillar rêve de voir son personnel travailler jusqu'en 2017. Nous sommes dans la procédure Renault et on sait que ces procédures sont parfois longues. 070-233-466 par SMS au 3063 Neuchâtel. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Il y a trois choix. Travailler, débrayer, tout casser. Bon, tout casser, certainement pas. Mais je pense qu'il faut débrayer en faisant porter un message, en posant une question claire à nos dirigeants. Quelle question ? On connaît la cause de tous ces dysfonctionnements industriels en Belgique, voire en Europe, voire partout dans le monde. Et cette cause est le capitalisme et l'actionnariat. Alors, qu'attend-on pour mettre un fin à cette pratique qui détruit et qui met à mal et qui met en porte-à-faux donc tout le système travailleur, tous les travailleurs... Jean-Marc, je ne comprends pas. Vous demandez à des travailleurs de faire grève, donc c'est la direction d'ArcelorMittal qui est embêtée, mais cette grève, elle vise en fait le monde politique qui lui-même pour l'instant est victime et se demande comment aborder Caterpillar. Je ne parle pas de grève, je parle de débrayage. Les grèves font partie d'un temps qui est révolu, Benjamin. C'est quoi pour vous débrayer, alors ? Une question claire. Moi, je demande qu'on pose une question claire à nos dirigeants. Quand va-t-on mettre un terme à cette politique de capitalisme et d'actionnariat ? C'est quoi débrayer pour vous, Jean-Marc ? Très concrètement, demain, vous conseillez quoi ? C'est quoi débrayer ? S'arrêter une heure ou deux ? Débrayer, moi, je conseille simplement aux ouvriers et aux syndicats d'adopter une autre politique... qui est de manifester avec des drapeaux, bon, ça fait partie d'un temps révolu, mais de poser des questions claires et qui feraient avancer le système. Quand va-t-on mettre un terme à ce capitalisme et remettre en place une politique industrielle plausible ? Mais donc, je me permets alors d'affiner votre réponse. C'est débrayer, on s'entend, mais pour manifester, pour viser le monde politique. Vous savez que d'autres se sont dit, ce week-end notamment, qu'il fallait trouver une stratégie qui allait directement impacter Caterpillar et qui allait la toucher au cœur. Ce qui pourrait peut-être permettre à l'entreprise, si pas de faire marche arrière, de penser des primes intéressantes. Débrayer avec manif, Jean-Marc. On va à Framery maintenant. Mike, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et avec un coin d'Arcelor dans la tête. D'ailleurs, comment vous connaissez Arcelor ? J'ai été ouvrier pendant 11 ans là-bas. Qu'est-ce qu'on fait à Caterpillar ? On travaille, on débraye, on casse tout ? Non, il faut travailler, c'est tout. Parce que pour ouvrir les négociations, il n'y a pas le choix, je pense. Ce sera plus facile, la délégation, de se mettre à table avec la direction de Caterpillar, plutôt. Mais être bon élève, pour les ouvriers, quoi. Travailler tous les jours, faire bien les pauses, fabriquer toutes les machines, être bon élève, ça ouais, sert à quoi ? Nous, on a appris donc le 31 août 2011, on nous annonce donc un conseil extraordinaire, et le 1er septembre, on est annoncé que nous avons donc la procédure Renault qui est lancée directement, et en trois mois, on est fermé. Donc ça a été beaucoup plus vite qu'eux. Bon, après, on n'avait pas le même nombre d'ouvriers, mais bon. Après, ce qu'on a dû faire, c'est que on a débrayé le premier jour. C'est logique, comme eux, on a bloqué les machines. C'est logique. Mais après, si vous voulez les négociations et obtenir ce que vous voulez, parce que de toute façon, il faut pas rêver. Fermer, ça va fermer. Il y aura pas de solution. Non, c'est quand ils ont décidé. Mais à la fois, c'est beaucoup et pas beaucoup. Avoir comme seul moyen de pression sur la direction pour avoir une belle fin, être obligé de travailler comme moyen de pression, c'est pas génial. C'est faible. C'est faible, mais le travail à son rythme. Ne pas sortir 4 machines par jour, en sortir 2. Mais travailler, leur donner quand même un peu de pain, pas énormément. Faut pas non plus crever à l'emploi, maintenant, c'est sûr. Nous, c'est ce qu'on faisait. On a une pause qui a été supprimée, donc on avait 3 pauses, comme chez eux. On ne faisait plus l'après-midi. On a instauré un peu nos règles aussi. On les a mis aussi au pied à l'étrier. Hein. Donc moi, c'était... Truc hypocrite, ça. C'est travailler, mais travailler comme « vas-y que je te pousse ». Ouais, c'était un peu comme ça. C'était un peu comme, on va dire, la tactique de l'âne. Nous, on avançait avec la carotte, et eux aussi. Et entre-temps, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient quand même sur la fin, parce qu'il y avait autant de trucs à terminer. Nous aussi, on a travaillé à notre aise. On a pu traîner un petit peu et obtenir des bonnes primes de départ, une cellule de reconversion mise en place. Moi, de mon côté, j'ai pu passer mon permis camion et retrouver de l'emploi. Mais donc, travailler pépère, les deux machines au lieu de 4 que je fabrique, les deux machines, voilà. Je les stocke comme trésor de guerre ou je les permets à la vente ? Bah, faut pas garder pour soi, hein. ça, on n'y arrivera pas. Hein, et avec ça, vous pouvez jurer aux ouvriers de Caterpillar qu'ils auront une belle fin. Je suis très concret, une belle prime. Ouais, je pense, moi, enfin, en tout cas, de notre côté, ça a été, voilà, on s'est mis d'accord, et on a même pu, nous, les ouvriers, que moi, qui n'étais pas dans la délégation, assister à des conseils et pas aux grosses réunions, mais on avait le droit, par certains, ils nous ouvraient la porte à 10 ouvriers, ils disaient, voilà, on, plus la délégation, plus 10 ouvriers, voilà, ouais, il y en a beaucoup plus que nous, mais et on pouvait assister, donner notre point de vue aussi, et voilà, et on leur a fait comprendre que s'ils voulaient que le schmilblick avance, ben, il fallait aussi aller dans notre sens. C'est la méthode de l'âne, avez-vous dit, ça s'appelle la méthode de l'âne, c'est ce que vous conseillez qu'Arcelor dans un coin de la tête, donc les conflits sociaux, vous connaissez bien sûr. On va se connecter au 070-233-466, voyons si la tendance est la même, Marion au standard, continuez à travailler. Ce serait un manque de respect pour les travailurs. Oui, c'est bien ça. Jean-Pierre de Fontaine-Lévesque est travailleur chez Caterpillar et lui, il ne veut pas retourner travailler car il trouve qu'il a déjà fait assez d'efforts. Ils ont réduit les coûts de 20%, ils ont augmenté la productivité, ils ont accepté des heures supplémentaires et tout ça n'a pas été suffisant pour sauver l'entreprise. Alors, il ne voit pas pourquoi aujourd'hui, il doit encore faire des efforts alors que maintenant, on sait définitivement que Caterpillar va quand même fermer. Nicolas de Neupré, lui, il opte pour la solution de tout casser. Les travailleurs ne sont pas des pantins, ils doivent exprimer leur ras-le-bol. Continuer de travailler, c'est se soumettre au grand patron, c'est se manquer de respect. C'est vous qui le dites, est à Bastogne. Geneviève, bonjour. Bonjour. Et je constate que vous êtes la première femme de cette seconde partie de C'est vous qui le dites. Peut-être un autre éclairage. Ces ouvriers travaillent, font des grèves, travaillent un petit peu mais pas trop, cassent tout, qu'est-ce qu'ils font ? Faut pas oublier que le travailleur belge est considéré comme un des meilleurs travailleurs d'Europe. C'est plus sérieux. Alors, ils doivent rester jusqu'au bout, travailler correctement. Ce qu'il faut surtout, c'est les cadeaux que le gouvernement belge leur offre, qui est des conditions. Si vous partez, vous nous le rendez sous forme de votre terrain, de vos avoirs ici en Belgique, mais de grâce que l'ouvrier ne se mette pas en porte-à-faux. Ah ben c'est la même chose. Vous me jurez que si les ouvriers travaillent bien, vous me jurez que s'ils travaillent bien, Caterpillar acceptera de nous donner le terrain à nous, Belgique, région Wallonne. Non, je ne sais pas, mais je crois que les conditions dans lesquelles je leur accorderai quelque chose, ce serait, si vous partez, vous nous rendiez les cadeaux qu'on vous a fait pour que vous restiez. Des remboursements d'impôts, ça s'annonce compliqué. Parce que je crois que cette Belge a fait tout ce qu'elle pouvait pour garder ces gens-là chez nous. Mais naturellement, derrière tout ça, il y a un tas de gens qui ont des revenus. Sans travailler et des gros revenus, et c'est là qu'il faudra un petit peu toucher. Geneviève, la technique de Mike, on l'applique ou pas ? Au lieu de fabriquer 4 machines, ben on en fait 2, à Snaise. Non. J'aurais la fierté de continuer, moi, je les ai très bien connus, j'ai travaillé comme infirmière quand il y avait encore des mines à charbon, et je peux vous assurer que les ouvriers belges, pour moi, ce sont des ouvriers de toute première qualité. Ah ben, alors, vous auriez la fierté, mais il y a l'autre question qui se pose, c'est est-ce que vous aurez le moral et l'énergie hein, pour travailler ? Geneviève, mais vous l'auriez fait, j'entends bien. L'eau de Linsart, André, bonjour. Merci, bonne journée. Bonjour André, venez à nous. Vous avez travaillé 22 ans chez Caterpillar. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, vos collègues, vos anciens collègues ? Ben, à mon avis, ils devraient débrayer et travailler au ralenti. Ah, donc vous êtes pour la technique de l'âne ? Ils vont pointer, comme ça, leur journée sera payée. Vous n'avez pas de fierté ? D'après Geneviève, la fierté, c'est d'aller au bout avec force et productivité. Si, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que Caterpillar va leur donner ? Non, vous n'avez pas dit aller au bout, vous avez dit débrayer. Oui, il faut débrayer, mais il faut aller au ralenti, comme ça leur journée sera payée. Oui, mais votre fierté, Geneviève, elle dit la fierté, c'est de travailler bien, avec productivité jusqu'au bout. Oui, mais de toute façon, la fierté, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Vous n'êtes qu'un chiffre, vous n'êtes qu'un euro à Caterpillar. Moi, j'ai travaillé 22 ans, je suis tombé malade, même pas un merci, rien du tout. André, est-ce qu'ils mais vont nous donner le terrain ? Si on travaille, en travaillant plus ou moins bien, ils vont nous donner le terrain ou ils vont pas nous donner le terrain ? Je ne crois pas. L'Américain ne donnera rien. Rien ? Les Américains sont comme ça, ils donnent rien. Ils vont donner le minimum. Et dans le minimum, qu'est-ce qui est encore plus râlant ? C'est que le gouvernement va encore taxer les ouvriers. On entend pleurer depuis vendredi, on entend pleurer toutes sortes de politiciens. Oui, les pauvres. Mais les pauvres, c'est qu'ils vont encore taxer à 50% leur prime. Eh bien alors, si rien ne donne rien, les primes seront taxées, les Américains ne donnent rien, à quoi bon aller travailler petits bras en faisant un petit peu des machines de temps en temps. À quoi bon ? Ben, il faut attendre qu'est-ce que ça va donner les réunions et après on verra bien. On verra bien. Et si ça ne marche pas, ben alors je dis, il faut tout casser. Prenez chacun, que chaque ouvrier prenne un bulle et commence à démolir tout ce qui appartient à Caterpillar. Ah ben, vous remarquerez que vous êtes le premier à l'avoir dit ce matin. Ça faisait partie des options. Ce n'est pas votre premier choix, c'est le deuxième choix. Je vais le noter, tout casser. On marque une nouvelle pause, André. Puis question qui dérange. Compliqué ce matin. Les croquettes pour chiens qui augmentent le cancer des testicules. Quelles croquettes ? Aura-t-on un interlocuteur ? C'est juste après la pause. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profitez des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça ? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi ? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non ? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Une étude de l'université de Nottingham en Angleterre signale que les croquettes pour chiens augmenteraient le risque de cancer des testicules chez les chiens, feraient également baisser la fertilité. Cette étude a duré longtemps, hein, 26 ans, 232 chiens, 5 races différentes. On a là un résultat. Il y a un problème de phtalates qu'on trouve dans les plastiques, 7 autres perturbateurs endocriniens. L'étude ne dévoile pas les marques concernées. Mélanie Joris, on sentait que ça allait être compliqué dès que ça touche à l'alimentaire et à la production. Avez-vous un nom d'interlocuteur à nous donner ? Alors, pas de nom, j'ai encore passé deux coups de fil, un coup de fil pour un vétérinaire, un autre coup de fil pour la faculté vétérinaire de l'ULG et sans résultat. Bon, sans résultat, c'est donc vous qui allez peut-être nous éclairer si vous avez un avis sur la question. Éclairage donc au standard, Marion. Et le problème pour Noémie de Spa, c'est que généralement, ce sont les vétérinaires qui conseillent les croquettes pour chiens. Noémie a perdu son chien en janvier. C'était un bouvier des Flandres de 6 ans. Il est décédé d'un cancer des testicules, justement. Et elle vient d'acheter un nouveau chiot de la même race. Elle a acheté les croquettes que son vétérinaire lui a conseillées. Alors elle se demande si les vétérinaires sont au courant de cette étude et de la substance présente dans les croquettes pour chiens. Eh ben, on ne le saura jamais. C'est ça l'enjeu. La question qui dérange, c'est le matin même, identifier le problème dans l'actualité et essayer de trouver celui qui ose parler, qui veut bien parler. Alors, à défaut d'experts disponibles, Célan Hainaut, merci de venir à nous, Cécile. Bonjour. Bonjour. Vous avez deux dogs allemands. Vous saviez que les croquettes étaient parfois litigieuses ? Je ne le savais pas auparavant parce que pour mon premier dog allemand, ben, je lui ai donné que des croquettes. Et c'est lorsque j'ai décidé de racheter un deuxième dog allemand que l'éleveuse m'a dit, tu sais, la nourriture fraîche est vraiment meilleure pour leur santé. J'ai fait le passage donc des croquettes à cette nourriture fraîche et j'ai vu un changement mais radical chez mon plus vieux chien qui il sentait, il avait des pellicules, il avait des selles très liquides. Et en 2 mois de temps, j'avais un nouveau chien, on va dire. Ah bah alors attendez, donc je résume. Était parfaite. Ça joue sur quoi ? Ça joue sur l'intestin ? Oui, ça joue sur la peau ? Ça joue donc sur l'intestin, sur la peau, Cécile ? Ça joue sur quoi encore ? Sur l'odeur, sur leur odeur, leur haleine. Je vois vraiment que c'est la peau et puis même ils mangent 1,5 kg par jour. Avant j'avais l'impression qu'ils n'étaient jamais rassasiés, que maintenant ben il a assez, il va même laisser de la viande, mais ils mangent à la faim. Et on voit qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il a toutes les vitamines, il y a du calcium, on lui a fait des prises de sang. Et, chez le premier, vous aviez repéré un... En santé, même ma vétérinaire, maintenant, s'est renseignée sur cette sorte de nourriture. Cécile, vous aviez repéré un... aux personnes qui ont des jeunes chiens. Cécile, vous aviez repéré un problème de fertilité chez le premier ou pas? Non, parce que je n'ai pas eu l'occasion donc de faire des tests de fertilité. Mais En fonction aussi des reproductions possibles, hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Évidemment, c'est peut-être plus facile à voir si c'est une femelle. Merci pour l'éclairage, Cécile. Chien, jour, nuit. Soumagne, Steve, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez un chien en ce moment? Pas encore, je l'attends dans une quinzaine de jours. Ah ben attendez, ça devrait peut-être vous intéresser, parce que Mélanie, au hasard des contacts, Steve, bougez pas, au hasard des contacts, vous avez quand même 2-3 infos sur ces croquettes dites dangereuses. Oui, tout à fait. Alors Marianne Dillet, la professeure en nutrition des animaux de compagnie et de la faculté vétérinaire de l'ULG, m'a tout de même donné quelques informations. Pour elle, le problème, c'est la contamination des aliments, et cette contamination, elle est possible. Certains préfèrent alors offrir un service traiteur à leurs animaux, mais cette méthode ne trouve pas non plus grâce auprès des yeux de la spécialiste. Le problème, c'est l'emballage, et qui dit emballage dit contamination via cet emballage. Si le traiteur emballe ses repas dans un mauvais plastique, eh bien le risque de contamination est présent. Ah bah c'est important à savoir. Steve, vous avez un chien qui arrive dans 15 jours, vous lui donnerez des croquettes ou pas? Oui, je lui donnerai des croquettes, mais pas seulement. Mais il y a un risque. Moi je privilégie la nourriture variée. Pourquoi vous vous méfiez des croquettes a priori? Pardon? Pourquoi vous vous méfiez des croquettes a priori? Il y en a qui donnent que des croquettes à leur animal. Oui, c'est peut-être bien pratique de donner que des croquettes, mais il y a autre chose. Hein. Par exemple, pour la beauté du poil, vous avez les sardines à l'huile mélangées avec du pain. C'est excellent pour la beauté du poil. Il faut lui donner également de la viande fraîche pour avoir des protéines. Ah ben vous avez entendu Cécile avec son passage à la nourriture fraîche qui a tout changé. Il y a un problème dans cette étude, c'est qu'on n'a pas le nom des marques qui sont concernées et qui nuiraient à la fertilité. Bon amusement avec votre chien qui arrive, Steve. On va vers les enseignements dans un instant. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Peugeot Olivier. Oh yeah. Portes ouvertes chez Peugeot Olivier, c'est samedi 10 et dimanche 11 septembre, avec l'offre 50-50, 50% de remise sur toutes les options et de super conditions sur toute la gamme. Venez aussi découvrir toutes nos nouveautés. Peugeot Olivier à Waterloo et maintenant aussi à Tubize. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Suivre un cours du samedi à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus? Anne, secrétariat. Imaginez pouvoir venir à votre cours du samedi matin et que les 6 autres jours de la semaine, vous pouvez gratuitement fréquenter notre club de conversation. Vous imaginez les progrès que vous pouvez réaliser? Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Programme du samedi, 7 jours sur 7, sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Ces croquettes dangereuses pour les chiens et pas d'interlocuteur. Sur la page Facebook, Zoé Boss, la page C'est vous qui le dites. Oui, la page C'est vous qui le dites. Vous êtes 40 599 à faire le débat ce matin, dont Arlette. Elle n'est pas étonnée par cette nouvelle. Son chien n'a jamais mangé de croquettes. Du riz avec filet américain ou poulet, un peu de carottes, une petite tartine avec du fromage à tartiner le matin et quatre knick-knacks en friandises. Voici le menu du chien d'Arlette. Vous avez choisi tout à l'heure une conversation sur le choix à faire pour les ouvriers de Caterpillar Gosselies. Travailler, débrayer, tout casser, quelle est la bonne attitude à avoir? Eh bien, à l'unanimité, c'est travailler qui s'est imposé dans toutes les conversations. Travailler, mais avec excès de zèle, pour donner un signal à l'entreprise, avez-vous dit. Travailler, oui, mais plus lentement, pour donner un signal à l'entreprise. L'importance, ce matin dans la conversation, c'était le bémol. Est-ce que tout ça peut avoir un impact sur le bel atterrissage? Non, il n'y a aucun moyen d'avoir une garantie de bel atterrissage, que ce soit en matière de prime ou en matière de reclassement. Et puis dans le fond, ce que vous avez souhaité, ce sont des messages envoyés, non pas tellement à Caterpillar, mais au monde politique, de l'ordre du plus jamais ça. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Philippe de Lessine, il a vécu une situation similaire en 2012 dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, et il met en garde les travailleurs de Caterpillar. Il dit ceci: il faut savoir qu'une fois l'annonce de fermeture faite, plus rien ne fera changer la vie de l'employeur. Il n'y aura pas de reprise de Caterpillar, selon Philippe. Pour cette raison, les travailleurs doivent continuer à faire acte de présence et organiser des actions avec le syndicat dans les limites de la loi. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur Caterpillar, le choix. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Noël de Chimay à 10h15 et pour Noël, c'est clair, les travailleurs doivent continuer de travailler. Je leur dis de travailler. Travailler jusqu'au dernier jour, ça sera très dur. Mais bon, si ils négocient une prime de départ de minimum de 20 à 25 000 euros par année de travail, et que les politiques qui sont en train de pleurer là, sur leur sort, au lieu de leur faire payer 50% de taxes sur leur prime de départ, qu'ils leur en déduisent seulement que 10%. Casser tout, faire des grèves, ça sert à rien. Ce que les ouvriers et les employés de chez Caterpillar peuvent encore espérer, c'est d'avoir de bonnes conditions de sortie et de donner surtout une image de la main-d'œuvre belge professionnelle, et on travaille jusqu'au bout. Je fais la pause après-midi. Et vous irez? Oui, je vais y aller, oui. J'écoute ce que le syndicat dit, et voilà quoi. Il faut aller travailler et rien casser, quoi, c'est tout. Il faut penser à toutes nos familles. Nous sommes plus de 5000 personnes dans le besoin de continuer à travailler dignement et honnêtement, quoi. Débrayer, oui. Tout casser, non, parce que c'est leur outil. Il y a des mouvements de mécontentement qui doivent y avoir, mais ils ne doivent pas faire un arrêt de travail et casser et tout. Ça, absolument pas, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un repreneur, tant mieux. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment le choix. Et ce sont des gens qui ont subi, pour moi, un attentat économique, parce que c'est un licenciement boursier, et que la meilleure attitude, malheureusement, c'est de ne rien faire. Bon, tout casser, certainement pas. Mais je pense qu'il faut débrayer en posant une question claire à nos dirigeants. Quand va-t-on mettre un terme à cette politique de capitalisme et d'actionnariat? Et la conversation continue sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, elle est à votre disposition. La semaine, évidemment, sera complexe, notamment à Gosselies. Voilà pour nos deux heures de dialogue.